Amis auditrices, amis auditeurs, bonsoir. Oui, vous êtes bien à l'écoute de RGM, Radio Guémozo, c'est-à-dire Radio Trade Union au début, il y a 40 ans. Hein. Émission Mosaïque, et alors ce soir une mosaïque d'enregistrement, où par exemple Adrien Quatennens et Lu Mélenchon appliquera notre programme. Hein, oui. Ensuite, Jean-Luc Mélenchon, Macron veut emmerder les non-vaccinés. Et puis Clément Viktorovitch, quand le débat politique devient une joute. Vous savez, les joutes au Moyen-Âge, à cheval, avec des lances. Sept Fatoudium, ce soir ou jamais, l'essentiel. Ensuite, Blast, le pouvoir... les pauvres ne payent pas d'impôts. Ensuite, ça c'est à prendre, vous verrez, hein, ah, oui, je vous dis pas tout avant, hein. Ensuite, janvier 2021, Bijard et Cabu. Ensuite, Cabu et Traîné, et puis de la musique, et puis la Deuxième Guerre mondiale, où il sera question de l'action de Gaulle, et puis d'un attentat contre Hitler. Et oui, ben oui, les dictateurs, quand même, à force de jouer avec la vie des autres, et ils donnent l'envie à d'autres de les supprimer. Ben oui. Pour mettre fin à tous les malheurs. Coluche, le chômeur. Jean-Luc Mélenchon, Omicron, le gouvernement ne maîtrise rien. Et puis, on aura droit à un petit peu de Jean-Yann, si tu t'en irais, hein, une chanson. Et suivi d'une histoire, Jean-Yann, lettre, alors là, l'art devient sérieux, lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Ah oui, Jean-Yann, c'est un homme sérieux par moment. Hein. Ah oui, oui, oui, oui. Et puis, ben voilà, une petite revue de presse et ce sera tout pour ce soir. Quand les cigares, ils changeront de bouche, quand les stars, elles changeront de main, quand la bonne soupe, elle changera de louche, qui sera dans le bottin, quand les gibus, ils changeront de tête, quand les bagouses, elles changeront de doigts, quand l'omarie changera de fourchette, les employés, on sera les rois, il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG, c'est nous qu'on sera les PDG, remarquez même en Rockefeller, je resterai quand même fils d'ouvrier, qu'un employé à bas salaire, c'est une chose à pas oublier, oui, mais quand nos cœurs changeront de chaumière, que les secrétaires changeront de genoux, que les sofas changeront de derrière, qui c'est qui changera de biniou, quand les Rolls changeront de carte grise, quand Maxime changera de client, quand les smokings changeront de valise, alors l'a dit, et gentiment, il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG. Les cigares, ils changeront de bouche, quand les stars, elles changeront de main, quand la bonne soupe, elle changera de louche, qui sera dans le potin, quand les gibus, ils changeront de tête, quand les bagouses, elles changeront de doigts, quand l'homard, il changera de fourchette, les employés, on sera les rois, il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG. Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour Alba Ventura. Et je précise que vous êtes l'auteur de Génération Mélenchon que vous venez de publier au Seuil. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, a regretté hier avoir choisi Ibiza pour 4 jours de vacances en fin d'année en plein protocole sanitaire à l'école. Il s'est excusé, Adrien Quatennens, c'est bon, on passe à autre chose. Mais rendez-vous compte, Alba Ventura, il ne nous a même pas envoyé de carte postale d'Ibiza. C'est incroyable. Vous le regrettez? Évidemment. Non, plus sérieusement, écoutez, ce qui est en cause, c'est pas tant le fait que le ministre prenne des vacances. Bon, il a reconnu le choix symbolique d'Ibiza, et vous savez qu'en politique, la symbolique, ça a du sens, ça compte. Mais plus que ces vacances, ce qui pose problème, c'est le cadre dans lequel le protocole sanitaire a été élaboré et annoncé. Vous rappelez que deux jours avant la rentrée, les enseignants, les parents d'élèves apprennent dans un article payant de vos confrères du Parisien le protocole sanitaire. Un article dont on apprend en réalité qu'il a été, enfin l'interview a été faite depuis Ibiza, alors que les illustrations montraient un ministre à sa tâche dans son bureau à Paris. Mais je crois que la symbolique est très forte. Sur le fond, Adrien Quatennens, avoir tout fait pour maintenir les écoles ouvertes, parce que c'est ça le sujet de fond, même si effectivement le protocole est compliqué, il n'y a pas les capteurs suffisants, pas de masques suffisants pour les... Les écoles maintenues ouvertes, c'est pas ça le sujet principal, mais essentiel. Vous avez raison, les écoles maintenues ouvertes, c'est un objectif, mais à la condition d'une sécurité sanitaire garantie et donc de l'application de protocoles clairement établis. Je crois que le principal problème et la raison pour laquelle d'abord nous demandons le départ de Monsieur Blanquer, c'est qu'aujourd'hui il a concentré vous tellement. Vous demandez toujours la démission. Mais évidemment, pas simplement à cause de cette affaire d'Ibiza. Nous la demandions sa démission avant. Mais alors vous dites dès deux choses contradictoires. Vous dites que c'est important de maintenir mais les alors justement, écoles ouvertes. Mais écoutez. Ma réponse, maintenir les écoles ouvertes, oui, à la condition de protocoles sanitaires clairement établis. Ça fait deux ans que nous nous évertuons, presque chaque semaine à l'Assemblée nationale, devant un ministre qui répond toujours avec une arrogance et un mépris qu'il ne réserve pas seulement aux enseignants et aux parents d'élèves, mais aussi aux parlementaires d'opposition. Nous lui demandons de faire ce qu'il faut à l'école et d'écouter les enseignants qui sont les mieux placés pour savoir quels sont les meilleurs protocoles à mettre en place. Ça fait deux ans, d'ailleurs, vous n'en pouvez plus de nous entendre le réclamer, qu'on dit qu'il faut installer les purificateurs d'air dans les salles de classe, qu'il faut dédoubler les effectifs en recrutant, par exemple, 100 000 jeunes, comme Jean-Luc Mélenchon l'a proposé, pour qu'on puisse dédoubler les classes. Pourquoi pas, si nécessaire, réquisitionner des locaux. Bref, les professeurs eux-mêmes demandent l'installation des capteurs de CO2 et les distributions des masques FFP2. Jean-Michel Blanquer est incapable de procéder à l'organisation concrète, méthodique, de la planification nécessaire pour que l'école puisse continuer, j'en suis d'accord avec vous, mais avec une situation garantie du point de vue sanitaire. Si vous le voulez bien, on enchaîne sur l'Europe, parce que c'est aujourd'hui que le président Macron s'exprime devant le Parlement européen. À Strasbourg, discours qui donne le coup d'envoi de la présidence française de l'Union européenne. La France va présider, va occuper cette présidence pendant 6 mois. Pour marquer le coup, Jean-Luc Mélenchon organise ce soir un meeting à Strasbourg. Adrien Quatennens, il y a 5 ans, le slogan de Jean-Luc Mélenchon, c'était « L'Europe, on la change ou on la quitte ». Aujourd'hui, c'est plutôt « On la change ou on la change ». On a précisé les choses, c'est-à-dire qu'en fait, on se situe d'un point de vue très simple, que je m'en vais vous résumer. En toute hypothèse, le programme choisi souverainement par les Français sera appliqué. Quoi qu'il en coûte, j'allais dire. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que l'Union européenne qu'on a sous nos yeux, c'est très loin de l'Union européenne de nos rêves que certains nous ont vendus. Qui peut croire aujourd'hui encore sincèrement, Alba Ventura, à une Europe démocratique, sociale, écologique ? On a en fait sous les yeux simplement un marché. Un marché qui organise la compétition entre les États membres en refusant l'harmonisation sociale et écologique. Oui, et mais donc, aujourd'hui, vous acceptez d'être dans ce cadre européen. Vous faites comme Marine Le Pen. Il y a 5 ans, c'était pas le cas. Aujourd'hui, non, vous acceptez d'être dans ce cadre européen. On ne fait pas comme vous avez Marine... changé de méthode. Non, on ne fait pas comme Marine Le Pen. Nous avons précisé la méthode. Bah, et donc, je vous la vouliez résume. Sortir des traités. Mais c'est toujours le cas, en fait. Simplement... Vous vouliez la sortie de l'euro. Non. Si. Ah non, la sortie de l'euro n'a jamais été, la sortie de l'euro n'a jamais été au programme de Jean-Luc Mélenchon, Alba Ventura, et pour des raisons économiques que tout le monde comprend. Non, laissez-moi vous expliquer. Il l'explique dans son interview du Monde hier, ou alors on n'a pas lu la même interview. Alba Ventura, je vous explique. On a regardé les points d'incompatibilité entre le programme que nous souhaitons appliquer. Attendez, il dit même que le marché économique aujourd'hui ne permet pas de sortir de l'euro, ce serait le chaos. Voilà. Mais je vous redis, Alba Ventura, que la sortie de l'euro n'a jamais été à l'ordre du jour du programme de Jean-Luc Mélenchon. Maintenant, si vous voulez que je réponde à votre question, laissez-moi le temps de le faire. Il y a un certain nombre d'incompatibilités entre le fonctionnement actuel des traités européens et le programme que nous voulons appliquer. Par exemple, nous savons que les traités de libre-échange s'opposent au protectionnisme écologique que nous voulons instaurer, que la concurrence libre et non faussée est l'objectif absolu de la Commission européenne, le carcan budgétaire avec les règles austéritaires, etc., etc. Aujourd'hui, comprenez-le, vous ne pouvez pas appliquer un programme de rupture sociale et écologique dans le cadre des traités. Alors, écoutez, c'est simple. Cette affaire de plan A, plan B, qu'on a réexplicité dans le plan Europe que j'invite vos auditeurs à aller écouter, puisque nous avons sorti le programme L'Avenir en commun, et désormais on le précise avec toute une série de plans. Ça consiste à dire, plan A, on propose aux autres États des changements sur un certain nombre de règles, par exemple sur la souveraineté budgétaire, sur l'indépendance de la Banque Centrale Européenne. Mais si ça n'est pas souhaité, eh bien nous désobéirons à chaque fois que les directives européennes, les traités ou les règlements s'opposeront à notre programme. Et d'ailleurs, beaucoup d'États européens ne se privent pas de désobéir à chaque fois que leurs intérêts sont mis en cause. Vous devez simplement comprendre, vous dites, par en exemple, résumé, que vous voulez remettre en cause la règle des 3% des déficits publics. C'est exactement ce que Emmanuel Macron et Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, sont en train de faire. Alors, vous avez peut-être mal lu la feuille de route d'Emmanuel Macron, celle qu'il a. C'est toujours notre faute. Mais non, mais si vous voulez, comme vous êtes soucieuse de précision, Emmanuel Macron a présenté il y a quelques mois de cela sa feuille de route à la Commission européenne en cas de réélection. J'ai envie de vous dire, Alba Ventura, le programme d'Emmanuel Macron, s'il était d'aventure réélu, ce que je ne souhaite pas, vous le savez, c'est le retour à l'austérité budgétaire avec le carcan des 3% d'ici 2023, c'est la réforme des retraites qui est pour l'instant au placard, et c'est toute une série de réformes auxquelles il s'est engagé, en contrepartie notamment du fameux plan de relance européen, qui d'ailleurs va nous rapporter moins que notre contribution au budget. Le plan de relance, c'est 750 mais comme je veux, milliards, comme, je comme je veux me soucier d'être bien compris des auditeurs qui nous écoutent, ce que je dis, c'est que toutes celles et ceux, candidats à l'élection présidentielle, qui promettent des ruptures sur le plan social, écologique, par exemple, si vous voulez réinstaurer des pôles publics, par exemple l'énergie, vous voyez les prix de l'énergie qui montent parce que le prix de l'électricité est indexé sur le gaz par effet de marché. Si vous voulez réinstaurer un pôle public, si vous voulez interdire un certain nombre de pesticides, revenir sur un certain nombre de points de concurrence, vous ne pouvez pas aujourd'hui le faire dans le cadre des traités qui l'en empêchent. Donc qui simplement, ce qu'il faut vous résumer, toujours que c'est l'Allemagne qui a le dernier mais mot. Mais on n'a pas besoin, précisément, ce que nous disons dans ce plan Europe, c'est qu'on n'a pas besoin nécessairement d'être suivi. Bien sûr, on va essayer de convaincre les autres de l'incapacité à faire autre chose dans le cadre de ces traités, mais s'ils n'en sont pas convaincus, ce que nous disons, c'est qu'en toute hypothèse, retenez simplement ça, c'est ce qu'il y a de plus simple à retenir, quoi qu'il arrive, si les Français nous donnent mandat pour appliquer un programme, ce programme s'appliquera, quels que soient les obstacles, par le système de l'opt-out, c'est-à-dire de la désobéissance. Et un certain nombre de pays le font déjà. Voilà. Nous ne pouvons pas rester enfermés dans cette camisole de force des traités qui nous impose la concurrence libre et non faussée, l'austérité budgétaire, alors que nous avons tant de choses enthousiasmantes à faire qui vont nécessiter beaucoup d'investissements. Un mot encore, Arnaud Montebourg, sur le point de se retirer. Il ne soutiendra pas de candidat, dit-il. Ça, vous le regrettez? Ben écoutez, non, c'est-à-dire que c'était assez prévisible, mais ce que j'observe en tout cas, c'est que Arnaud Montebourg préfère même disparaître que d'aller soutenir, par exemple, Christiane Taubira. On a entendu que c'était peut-être à l'ordre du jour. Mais peut-être qu'il trouve que la gauche est quoi, à l'agonie, moribonde, supplacante. Écoutez, vous savez, on est à moins de 3 mois maintenant de l'élection présidentielle et s'observe dans les sondages ce que nous avions prédit. C'est-à-dire que désormais, le candidat qui est largement en tête à plus du double de ses concurrents à gauche, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et quand vous voyez à quel point le second tour désormais a un ticket d'entrée qui est beaucoup plus bas, de l'ordre de 15 à 16%, on se dit que le second tour encore, est atteignable. Ben oui, mais Alba Ventura, vous aura pas échappé qu'en janvier 2017, c'est-à-dire à la même période, on était à 10, 13 dans le même étiage qu'aujourd'hui. Donc la participation populaire, c'est l'enjeu. Et pour ça, je le dis, c'est convaincre et arrêter de semer la désespérance comme le font par exemple les tenants de cette fameuse primaire populaire dont le Canard Enchaîné fait des révélations affligeantes aujourd'hui sur les dirigeants et leurs méthodes, qui ont une volonté de finalement torpiller toute candidature qui viendrait se positionner. Ils ont prévu d'empêcher Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot d'avoir des prêts, d'avoir des parrainages. C'est d'une violence et d'une brutalité sans nom. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est convaincre le grand nombre. Nous ne voulons pas être mêlés à cette logique dont clairement les intentions ne sont pas très claires. Voilà. Merci Adrien Quatennens. Merci de m'avoir invité. Messieurs, eh bien ce soir, à Musique and Music, nous allons nous promener dans l'œuvre poétique d'un compositeur important, d'un poète authentique et d'un ami, ce qui est bien agréable. Et à l'énoncé de son nom, tout ce que la chanson française compte de formidable a répondu présent. Alors ce soir, avec l'avant-garde de la chanson française, autour de lui, avec vous, avec nous, nous accueillons Serge Gainsbourg avec une chanson de ses débuts, Le poinçonneur des lilas. Serge Gainsbourg. De gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Y a pas de soleil sous la terre. Drôle de croisière pour tuer l'ennui. J'ai dans ma veste les extraits du Rainier Digest. Et dans ce bouquin y a écrit que des gars se la coulent douce à Miami. Pendant ce temps que je fais le soive au fond de la cave, pareil qu'il y a pas de sous-métier. Moi je fais des trous dans des billets. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. des petits trous, toujours des petits trous. Des trous de seconde classe, des trous de première classe. Je fais des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas, pour invalide changé à opéra. Je vis au cœur de la planète, j'ai dans la tête un carnaval de confettis, j'en amène jusqu'à mon lit. Et sous mon ciel de faïence, je ne vois briller que les correspondances. Parfois je rêve, je dis vague, je vois les vagues. Et dans la brume, au bout du quai, je vois un bateau qui va me chercher. Pour me sortir de ce trou, je fais des trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Mais le bateau se taille et je vois que je déraille. Et je reste dans mon trou à faire des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas, arts et métiers directs par le Valois. J'en ai marre, j'en ai la claque de ce cloaque. Je voudrais jouer la fille de l'air, laisser ma casquette au vestiaire. Un jour viendra, j'en suis sûr, où je pourrai m'évader dans la nature. Je partirai sur la grande route, écoute que coûte. Et si pour moi il est plus temps, je partirai les pieds devant. Je fais des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Y'a de quoi devenir dingue, de quoi prendre un flingue. Se faire un trou, un petit trou, un dernier petit trou. Un petit trou, un petit trou, un dernier petit trou. Et on mettra dans un grand trou et j'entrerai vu par les trous, vu jamais de trous, de petits trous, de petits trous, de petits trous. Bon, bonjour, merci d'être venu au Débeauté. Mais on vit au Débeauté depuis hier. L'entretien du chef de l'État dans le journal Le Parisien a créé une situation de crise parlementaire, au minimum, hein. Si on ne veut pas employer trop de grands mots sur l'étendue de cette crise, au moment une crise parlementaire, parce que les propos sont considérés par pratiquement toutes les oppositions, de manière publique, mais aussi par une partie des élus de la majorité comme inacceptable, dans la forme, parce que, bon, on pourrait passer là-dessus, dans la forme, parce que la vulgarité dans ce domaine n'apporte rien à la force de l'idée, et qu'on n'attend pas trop ça d'une parole officielle. Ensuite, parce que il est apparu que c'était une erreur de calendrier pour le président de la République. Lorsqu'il a fait l'entretien avec le journal, il pensait que la loi serait votée dans la nuit. C'est donc de propos délibérés qu'en effet, ils avaient prévu, comme nous l'avait dit M. Véran, qu'on se réunirait toute la nuit et une partie de la matinée, ce qui est dû sans précédent dans l'histoire parlementaire. Et donc, comme il intervient avant cet événement, c'est une forme de bras d'honneur au Parlement qui est quand même assez difficile à accepter, sans rien dire, sauf si vraiment on passait à autre chose, une sorte de monarchie constitutionnelle où quelqu'un aurait comme ça tous les droits, tous les pouvoirs face à toutes les instances collectives et en particulier devant le Parlement. Bon, après il y a le résultat qui doit être apprécié dans le contexte. Le président de la République s'exprime dans une crise sanitaire à propos du moyen qu'il juge le plus efficace pour résoudre cette crise sanitaire. D'accord ? Dans son esprit, c'est d'obliger les gens à se vacciner et ceci réglerait tous les problèmes parce que pour le reste, il n'a rien prévu, il n'y a rien dans la loi qui soit de l'organisation d'une société qui fait face en commun à une pandémie et par tous les moyens et pas seulement par le moyen du vaccin, étant entendu ce que personne ne conteste aujourd'hui, hein, personne ne conteste ça, que le fait d'être vacciné n'empêche pas d'être contaminé et de contaminer les autres, voire même d'être vacciné avec un schéma vaccinal complet et en plus de tomber malade à cause du variant qui vient d'arriver. Donc tout le monde le sait et on peut continuer à considérer que le vaccin abaisse le niveau de risque, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que le risque collectif, lui, s'est pas abaissé. Alors, nous sommes dans ce contexte. Il fait une proposition, que je désapprouve, mais il fait une proposition, c'est d'obliger tout le monde à se vacciner. Mais, pour autant, ce n'est pas une vaccination obligatoire. Donc, nous sommes bien toujours dans le cadre où il s'agit de convaincre. Le moyen de l'action publique pour faire face à la pandémie, c'est de convaincre les gens de se vacciner. C'est la ligne de monsieur Macron, et d'ailleurs, c'est la ligne de l'Organisation mondiale de la santé qui dit qu'il faut convaincre et non pas contraindre. Et là, tout d'un coup, au détour d'une interview, on apprend que la position politique de monsieur Macron, c'est de contraindre. Et pas seulement de contraindre par la force de la loi, au sens de, il y a une vaccination qui est obligatoire, et donc nous vous demandons tous de vous mettre en accord avec la loi, comme ça arrive pour certains vaccins, mais sous la forme de ce qu'il a appelé lui-même une stratégie de l'emmerdement maximum pour les gens qui ne sont pas vaccinés. Et il annonce des punitions collectives. Vous ne pourrez plus aller au théâtre. Alors il dit, je ne vais pas les mettre en prison. Déjà, c'est étrange comme phrase. Je ne vais pas les vacciner de force, donc il faut leur dire, à partir du 15 janvier, vous ne pourrez plus aller au resto, vous ne pourrez plus prendre un canon, vous ne pourrez plus aller boire un café, vous ne pourrez plus aller au théâtre, vous ne pourrez plus aller au ciné. C'est-à-dire la punition collective qui mortifie les gens dans leur vie. Et vous vous souvenez que hier, dans le débat, ça a été quasiment considéré comme un événement qu'on arrive à arracher une partie de la jeunesse aux interdictions auxquelles ils étaient abandonnés du fait qu'elle ne se trouverait pas vaccinée. Voilà. Alors, ça, c'est aggraver la crise. Parce que si vous dites, je suis là pour vous convaincre, écoutez-moi, je vais vous expliquer pourquoi c'est mieux comme ça, et que vous passez à... Et si vous faites pas ce que je vous dis, vous aurez le droit de rien, vous aurez pas le droit de vivre, eh bien, évidemment, ça change la situation, et surtout, ça met la stratégie sanitaire dans l'impasse. Autrement dit, maintenant, il s'agit non pas d'être convaincu, mais d'obéir à un homme qui a décidé, comme selon ses propres termes, de vous emmerder. Alors, ne croyez pas que ce soit une petite affaire. Hier soir, vous avez vu que, dans une confusion extrême, pour finir, la séance a été levée, après que le président de séance ait fait passer deux amendements dans des situations tout à fait incroyables. Bon, au milieu de la confusion, de la cohue, on ne savait plus à qui c'était le tour de parole. En vérité, c'était le nôtre. Deux amendements en trois heures. Bon. Il en reste 450. Alors à partir de là, les coulisses commencent à bruisser d'un éventuel recours au 49-3. Il faudrait pour ça, comme ça n'a pas été décidé en Conseil des ministres ce matin, il faudrait qu'il y ait à nouveau une convocation du Conseil des ministres. Je ne sais pas ce que vaut cette rumeur, mais maintenant on s'attend à tout, compte tenu de la situation de blocage dans laquelle on se trouve, si le gouvernement veut faire aboutir l'ensemble de la procédure parlementaire et la promulgation de la loi avant le 15 janvier, parce que c'est ce qu'il y a dans le texte, n'est-ce pas? Donc, le 15 janvier, c'est pas si loin que ça. Donc, si on tient compte du fait que le texte devrait sortir d'ici, aller au Sénat et revenir, vous voyez bien que tout ça, dans le délai du 15 janvier, ça commence à devenir un peu chaud, et on comprend donc, sans que, pour autant, la chose soit établie, je ne le souhaite pas, que la rumeur sur le 49-3 n'est pas absurde, hein. Alors là, évidemment, on passera encore à une étape de bras de fer entre l'exécutif et le Parlement, qui serait en quelque sorte une signature de cette fin de mandat, de fait de violence, à nos yeux, et d'une forme d'anti-parlementarisme qui finit par être assez pénible. En toute hypothèse, vous devez savoir que nous avons prévu un recours devant le Conseil constitutionnel, et que nous avons commencé à réunir des signatures. Il ne nous en manque plus que 10 pour pouvoir faire ce recours. Et pour l'instant, il n'y a que deux socialistes, je crois, qui ont signé le recours. Et il faudrait qu'il y en ait 10, et l'affaire serait entendue, il y aura un recours. Par conséquent, comme vous le savez, le recours est suspensif de la promulgation de la loi. Une nouvelle fois, c'est pas la date du 15 janvier qui paraît tenable dans ce délai. Alors maintenant, pour... bon, on va voir, je vais arrêter de parler. Bon, nous souhaitons que le Premier ministre vienne s'expliquer devant l'Assemblée. Je ne crois pas qu'il y ait un autre pays au monde où, après une affaire pareille, il ne se passe rien. Devant le Parlement, hein, qui est en train de discuter du texte de loi dont le Président pense, au moment où il s'exprime, qu'elle est qu'elle est adoptée et nous en révèle la signification qui est le contraire de ce qu'il nous raconte depuis le début du débat parlementaire. Jusque dans un détail qui était le cœur de l'argumentation de M. Véran à plusieurs reprises quand il disait « on ne trie pas les gens à l'hôpital » et le président de la République, lui, fait état du fait que si c'est le risque immédiat qu'on a devant nous, etc., etc. Voilà. Donc, dans n'importe quelle démocratie, on s'explique, le pouvoir exécutif doit s'expliquer devant le pouvoir parlementaire. Et puis bon, quand même, c'est un minimum, c'est pas une humiliation qui est demandée à l'exécutif. C'est comme ça que fonctionnent toutes les démocraties dans tous les pays du monde. Et dans ce pays aussi, ça a été le cas de manière assez tranquille, même si ça fait jamais plaisir à un exécutif d'être obligé d'aller s'expliquer devant l'Assemblée nationale quand une bévue a été commise. Mais c'est comme ça, bon. Donc le Premier ministre doit venir et nous doit nous expliquer la stratégie de l'emmerdement qui est dorénavant celle que le gouvernement se voit assigner par le président de la République. Voilà. Alors hier soir, on nous avait dit que le Premier ministre serait là pour finir mon pas de Premier ministre, ce qui m'a permis de continuer ma nuit pour ce qui me concerne. Mais ça ne peut pas rester comme ça. Hein. Il va bien falloir qu'il vienne nous expliquer ça. Voilà. De notre côté, nous allons... Mathilde m'a dit tout à l'heure que c'est ce qu'elle comptait faire. Elle faisait le tour des parlementaires insoumis. Mathilde Panot, notre présidente de groupe, a l'intention de demander au gouvernement l'application de l'article 50-1. C'est-à-dire qu'à la demande d'un groupe parlementaire, le Premier ministre peut venir s'expliquer il y a un vote qui n'engage pas la responsabilité du gouvernement. Mieux vaudrait pour M. Castex, qui va peut-être m'entendre à ce moment, venir de bon cœur et tranquillement, plutôt que de devoir non seulement ne pas venir, mais en plus refuser à un parlementaire, à un groupe parlementaire, quelque chose qui est dans son droit statutaire, qui lui demandait de venir s'expliquer. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Je veux souligner la gravité de ce qui se passe. Il arrive qu'une opinion habituée aux abus de pouvoir finisse par ne plus les distinguer. Ceci est un considérable abus de pouvoir dans le cadre des institutions de la Ve République, où la parole du chef de l'État a une importance que vous connaissez tous, puisqu'il est irresponsable au sens où personne ne peut le sanctionner par un vote ou quelque chose comme ça. Donc il reste que le Premier ministre qui peut aller au-devant de la représentation. Et moi je trouve que ça commence à faire beaucoup en peu de temps. La phrase qu'il avait faite sur les devoirs qui sont préalables au droit, je sais bien qu'on peut considérer que c'est de la pure philosophie politique, mais c'est le contraire du fondamental républicain qui dit l'inverse, qui dit nous avons des droits et le seul devoir qu'on a c'est de respecter les droits des uns et des autres. Dire qu'on a des devoirs avant des droits, ben, ça revient par exemple à expliquer que si vous fumez, on ne voit pas pourquoi vous viendriez ensuite, si vous avez le cancer du poumon, vous plaindre et demander à la collectivité de vous soigner. Hein. Bon, je prends cet exemple parce qu'il est assez simple et surtout parce que il a déjà été utilisé par M. Tony Blair dans le passé, qui mettait en cause la responsabilité individuelle des fumeurs dans leur maladie liée à la consommation de tabac. Ben là, on est dans la même logique, c'est le malade qui est responsable de la maladie, c'est sur ce plan qu'est traitée l'obligation vaccinale, et c'est sur ce plan aussi qu'on voit toute la politique publique être imprégnée de cette idée, qui à notre avis, vous n'avez pas besoin que je détaille, on n'a plus rien à voir avec ce à quoi on croit d'habitude dans une république écrit partout, liberté, égalité, fraternité. Non, les droits seront et restent préalables et l'unique norme qui s'impose à la société. Voilà, on le remercie. Donc ce choix sémantique du président de la République, pour vous, c'est une fausse politique et vous y voyez aussi une stratégie à part des politiques. Écoutez, franchement, depuis hier, je me demande ce qu'il veut. J'ai plutôt l'impression que il s'est mis tout seul dans une impasse. Une stratégie, qu'est-ce que ce serait de se présenter comme l'homme du parti de l'ordre, parce que l'ordre, ce serait la vaccination. Bon, c'est plutôt la pagaille. J'arrive pas à imaginer qu'il ait tenu aucun compte des conséquences de ce qu'il dirait, par exemple sur l'ensemble des populations des DOM et des TOM. Vous avez en Guadeloupe 30-35% de gens qui sont vaccinés. Un président de la République qui dit à 60% de la population, je vais vous emmerder jusqu'à ce que vous cédiez. C'est quand même, et c'est comme ça que ça va être reçu le message, hein. Et c'est vrai dans d'autres endroits. Et nous savions tous, qui connaissons ces situations d'assez près, que ceux qui veulent convaincre de la nécessité de la vaccination sont dans une grande difficulté. C'est vraiment pas facile à faire, hein. Donc là, maintenant, ça devient pratiquement faire un acte d'allégeance à M. Macron. Donc si c'est une stratégie, elle se fait au détriment de la crise sanitaire. C'est une faute politique, selon vous ? En tout cas, c'est une faute républicaine majeure. Ça peut lui coûter cher pour la campagne ? Ça peut lui coûter cher à Macron, selon vous, pour la campagne ? J'espère, moi, que dans 95 jours, il ne soit plus en état d'emmerder personne, mais ça, c'est la démocratie, hein, c'est les votes qui vont le décider. Je ne crois pas qu'en France, ça soit bien reçu de parler comme ça, comme chef de l'État, et ni non plus que quelqu'un se donne une espèce de rôle de père fouettard de la société. Quelles que soient les opinions des gens, y compris, il faut pas croire que parce que quelqu'un est vacciné, du coup, c'est comme s'il avait adhéré à un parti, hein, et que, bon, dorénavant, il applique toutes les consignes que donnerait le vaccinateur en chef, que serait le président de la République. Ça, je pense que de lui, c'est ce qu'il voudrait. S'il y a une stratégie, oui, c'est celle-là. Ce qu'il avait dit une fois, c'est moi le camp de la raison, de la science et tout ça, bon. Mais ça, c'est pipeau, ça n'existe pas. Les gens qui sont vaccinés se vaccinent pour des raisons sanitaires, pas pour des raisons idéologiques. Et ceux qui ne se vaccinent pas, il y a toutes sortes de gens parmi ceux qui ne se vaccinent pas. Il y a les gens qui sont idéologiquement opposés au vaccin. On a toujours connu en France, certains groupes qui sont absolument opposés. En plus, depuis quelques temps, il y a un courant qui est par principe hostile au vaccin. Bon, ça existe. Il y a ça, mais c'est pas la totalité des gens qui ne se vaccinent pas. Il y a ceux qui peuvent pas se vacciner pour des raisons de santé. Et puis, il y a ceux qui sont éloignés de tout et qui n'ont pas eu leur tour pour les vaccins. Je veux pas faire de mauvais rapprochements, mais les gens qui vivent dans les déserts médicaux, bon, eux, ils vont se faire bien emmerder, mais c'est déjà le cas, hein. Je voudrais quand même observer que on a une espérance de vie de 2 ans et demi de moins dans les ruralités que dans les zones urbaines et périurbaines. Donc on voit bien qu'il y a d'autres facteurs qui interviennent que simplement l'obéissance à M. Macron. Le vaccin n'est pas un parti pris politique. Alors, c'est un parti pris intellectuel, on pense que ça fonctionne, bon voilà, mais c'est pas un parti pris politique. Qui se vaccine ne devient pas macroniste. Mais lui voudrait que tous ceux qui sont vaccinés se transforment en macronistes. Ben non, désolé, je suis vacciné et puis je changerai pas d'avis. Est-ce que c'est un tournant pour la campagne présidentielle ? Pardon, si vous pouviez enlever juste votre main, le temps de me poser. Est-ce que vous pensez que c'est un tournant pour la campagne présidentielle ? Est-ce que ça veut dire que les Ah ben oui. vont se jouer là-dessus ? Jouer là-dessus, bah, c'est pas un jeu, je réserve le droit de l'interpeller depuis quand on parle comme ça. Alors, pardon, mais moi on m'a cherché pouille parce que j'ai dit que j'étais la République. Bon, ce qui est quand même plus honorable que d'annoncer qu'on a l'intention d'emmerder tout le monde, il me semble. Bon, je pense que dans la lutte politique, la lutte démocratique, sur quoi voulez-vous apprécier vous appréciez sur les mots, sur les idées, sur les propositions. Là, il en fait une. Il dit, moi, président de la République, tous ceux qui ne se vaccinent pas, je vais les emmerder. Ils n'iront pas au restaurant, ils n'iront pas au cinéma. Ils diront, bon, ça compte dans la campagne. Et en ce sens, je ne sais pas si on peut appeler ça un tournant, mais en tout cas un palier, c'est certain. Et ça nous rappelle dans quel mépris il tient tout le monde. Parce que ce n'est pas la première fois qu'il parle mal, mais au sens, si vous voulez, d'une façon de parler qui exprime quelque chose de profond en lui. Encore une fois, en faisant le rapprochement, quand moi je me mets à crier parce que je suis outré, indigné, la République c'est moi, parce que ça renvoie à tout mon imaginaire, l'idée que je me fais de ma place comme parlementaire, etc. Enfin, tout le monde a compris que c'était ça, quoi, qui sortait. Mais le gars qui fait sortir, il y a les gens de rien, puis vous là-bas je vais vous emmerder, il exprime quelque chose d'un mépris pour les autres, qui est quelque chose de prototypique chez lui, qui est le côté technocratique, j'ai raison contre tout le monde, et peu m'importe ce que pensent les autres, c'est comme ça qu'ils doivent faire et pas autrement. Bon, tout ça, ça fait partie aussi de la personnalité, ça fait partie du programme, en quelque sorte, hein. Alors après, on peut se tromper sur l'évaluation qu'on a de la personnalité de quelqu'un, mais on peut aussi, n'avoir rien d'autre à mettre sur la table, et dire, écoutez, vous avez dit ça quand même, c'est énorme. Vous avez réellement l'intention d'emmerder 8 millions de personnes? C'est une ambition tout à fait considérable. Et juste avant une élection présidentielle, bah, que les gens se tiennent pour dit, après, s'ils sont masochistes, c'est eux que ça regarde, hein. Il dit aussi au sujet de sa candidature, j'ai envie. Alors comment vous interprétez, il y va... C'est très curieux comme phrase. C'est très curieux. Enfin bon, je vais pas faire de la psychologie à trop bon marché, mais... Je ne crois pas que ce soit le sujet. On a envie ou pas, bien sûr, ça compte, mais enfin, ce n'est pas l'argument qu'on met en avant. Ou alors, si on le met en avant, on dit pourquoi. Mais quand on le ramène au désir, c'est quoi le désir sans amour? Hein? Bon, voilà, bah, je fais des comparaisons pour qu'on puisse y réfléchir. J'ai envie, qu'est-ce que ça veut dire? Mais on s'en fiche qu'il en ait envie ou pas. C'est pourquoi faire? Qu'est-ce qu'il estime nécessaire de faire et que seul lui peut faire? Ou si c'est d'autres qui lui ont dit de le faire. Mais apparemment, non, il a l'intention de décider ça tout seul. Il a le droit, il n'est pas le seul. Mais c'est vraiment une phrase, personnellement, je trouve aussi très révélatrice d'une psychologie complètement égocentrée, un peu narcissique, disons, hein. Mais bon, là, vous m'emmenez dans une psychologisation de la politique à laquelle je voudrais essayer de résister, mais on aime tous trop ça, hein. Julien, est-ce que vous avez eu des échanges avec les autres groupes d'opposition? Et est-ce que là, vous êtes dans l'état d'esprit de ne pas reprendre les débats tant que vous n'avez pas eu l'explication? L'état d'esprit, moi, j'ai pas encore eu le temps de longuement discuter avec Mathilde. Hier, c'était pas mon tour dans la Noria, la première. Ça, j'ai de la chance. Finalement, j'ai fait le bon choix. Je m'inscris dans la dernière partie. Et ça me joue en ma faveur, parce que ça fait déjà deux fois que la deuxième partie n'a pas lieu. Donc, je peux rester tranquillement. Mais bon, en fait, c'est pas tranquillement, parce qu'à distance, on est obligé de suivre pour savoir s'il faut tous venir ou pas. Mes camarades sont sur la ligne de ne pas reprendre tant que le Premier ministre n'est pas là, mais qu'est-ce que ça va donner? On ne va pas non plus... Alors, je ne sais pas ce que Mathilde a prévu avec mes camarades. Moi, ce matin, j'étais en commission, elle aussi. On s'est parlé au téléphone rapidement. Ça, c'est elle qui va nous dire, une fois qu'elle aura fait le tour. Alors après, c'est vrai qu'il y a de la coordination entre les oppositions, on n'en est jamais caché, nous, hein. On discute avec tout le monde du moment qu'il s'agit de faire valoir les droits du Parlement. Bon, nous avons félicité Madame Genevard, qui n'est pas de notre bord, qui a été la présidente qui a interrompu la séance hier soir, après avoir fait un compte assez rigoureux. On a été moins contents de la présidence de Le Fur hier soir, parce qu'il avait l'air de perdre pied, et bon, qu'il ne respectait pas notre tour de parole. Mais bon... Mais ça, c'est pour ceux qui sont au perchoir. Mais après, entre les groupes, oui, ça discute beaucoup. Alors, évidemment, chaque groupe a ses contradictions, à part le nôtre. Et les communistes aussi, puisque, bon, c'est deux groupes qui sont homogènes. Les socialistes, c'est pas simple pour eux, parce qu'ils sont pris entre ceux qui sont pour la vaccination obligatoire et qui considèrent que le texte est une étape vers la vaccination obligatoire. Je pense que depuis hier... La situation est évoluée à l'intérieur du groupe socialiste. Peut-être que maintenant, il y a une majorité de députés socialistes qui est pour voter contre le texte. Je crois. Donc, on peut espérer trouver les dix signatures qui nous manquent pour arriver jusqu'au Conseil constitutionnel. Et puis, enfin, je dirais que après de tels événements, le point de vue du groupe socialiste peut se modifier dans le sens où ils auraient l'impression que Monsieur Macron les a tellement forcés, tellement mis le dos au mur, qu'ils trouvent ça insupportable. Et que même s'ils étaient d'accord pour le pass vaccinal, ils ne peuvent pas accepter de cautionner une opération qui est vendue dans telles conditions. Donc j'ai bon espoir que ça finisse par faire une majorité dans ce groupe. Après, à LR, c'est un secret pour personne que ça discute. Même des fois, le ton monte un peu, hein, puisqu'on arrive à entendre les éclats de voix, donc... Ce n'est pas une discussion feutrée. Mais pareil, c'est tellement violent L'attitude du président de la République, là, je crois qu'il s'est mis à dos toutes sortes de gens qui ne peuvent plus voter son truc sans donner l'impression qu'ils partagent une ligne politique qui n'est pas du tout la leur. Les collègues qui sont de LR, j'ai pas l'impression que leur idée, ça soit d'empoisonner le monde dans le pays. Voilà. D'emmerder le monde, pardon. Je ne sais plus comment parler, maintenant. Qu'est-ce qui est dans le vocabulaire officiel ou pas? Donc je pense que, sérieusement, le président de la République a dégradé considérablement le rapport de force qu'il avait au début de la procédure passe vaccinale. À la fois parce que le débat n'a pas arrangé les choses, mais alors surtout la déclaration d'hier soir là, dans le Parisien. C'est pour ça que je parle au moins d'une crise parlementaire. Parce qu'on n'a pas commencé comme ça. C'est la première fois qu'on voit ça. On commence sur des bases. La situation, évolue en cours de route, mais sans qu'on puisse vraiment, avant le vote, préciser où on en était. Hein. Moi, je vous dis que j'ai l'impression que ça bouge dans les rangs socialistes, mais j'en suis pas sûr. Ce que je peux entendre ici ou là, qu'on me dit des discussions internes. Mais là, par sa seule parole, il met toute une série de gens dans l'obligation de voter contre. C'est mon rôle aussi, comme opposant, de faire vivre cette idée qu'il y a un Parlement qui parle, que les gens discutent, et pas simplement que le président de la République raconte ce qu'il veut, tout le monde se met au garde à vous, ou fait semblant de ne pas avoir entendu. Sur l'analyse que vous faisiez de la stratégie d'Emmanuel Macron, si on avait eu, on peut penser du coup qu'il essaye de parler aux 90% de vaccinés. Et qu'il essaye de donner aux oppositions les 10% restants. Vous, comment est-ce que vous entendez C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pas acceptable. Il parle aux 90% de vaccinés, je fais partie de ces 90%, et mon intention, elle doit aussi être respectée. Je ne me suis pas fait vacciner pour faire plaisir à M. Macron, ni pour adhérer à sa campagne. Donc, qu'il s'adresse aux 90% de vaccinés en rendant coupables les autres de la crise sanitaire, c'est surtout ça qu'il faut voir. C'est que ce message a pour vocation de dire « S'il y a une crise sanitaire et si nous sommes en danger, c'est à cause de ceux qui ne veulent pas se vacciner. Mais ceux qui ne se vaccinent pas se mettent surtout, eux, davantage en danger que les autres. » Et ce n'est pas vrai. Ce n'est pas eux qui sont responsables. De toute façon, le vaccin fait réduire le risque face à un certain type de virus. Mais depuis, il y a des mutations, et c'est pas moi qui le dis, c'est les statistiques internationales nous disent 90% de protection par rapport au premier virus qui circulait, 40% pour le variant, et encore moins pour Omicron. Donc, nous sommes dans une crise sanitaire, le vaccin est un des outils de combat, incontestablement. Mais c'est une raquette très trouée. Alors, il faut y faire face par d'autres moyens qu'on a expliqués. Si vous voulez, ce qui n'est pas... Je suis d'accord avec l'importance de se poser la question que vous soulevez, parce que on voit bien comment le débat est installé par eux. Je l'ai vu dans la réponse que M. Véran m'a fait dans... moi, j'ai mis en cause sa politique, les moyens qu'il utilisait, etc. Lui fait une réponse sur la personne, en me tapant, et en mettant en avant ce qu'il appelle des contradictions que j'aurais eues, il n'y en a pas eu. Ou en disant, et en fait, vous mettez les gens en danger. Non, s'il y a un groupe qui a fait depuis le départ des propositions de loi, vous savez que notre ligne au départ, vous aviez fait remarquer ça. Là, les médias avaient dit, vous avez changé de ton, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous êtes parti pour faire l'Union nationale au début de la crise sanitaire? Parce que notre idée, c'était que on était dans une crise sanitaire, ce qui allait se passer dans la population, c'est que les gens chercheraient à se serrer les coudes, et en effet, ils l'ont fait. Ils obéissaient assez strictement aux consignes qui étaient données, etc. Jusqu'à ce que la confusion des ordres et des contre-ordres, disqualifie la parole officielle. Et ça, si vous voulez, c'est très caractéristique d'une mentalité technocratique, purement technocratique. C'est, il y a une solution, le technocrate la connaît, il vous dit de le faire, et c'est tout de suite et pas demain. Non, on ne gouverne pas comme on administre les choses. C'est pour ça qu'il y a des gouvernements. C'est pour ça qu'il y a de la démocratie. C'est parce que les communautés humaines ne se manient pas au sifflet. Il faut toujours que l'autorité ait une légitimité. Alors, la légitimité qui lui est donnée par le vote, mais pas seulement. Alors, dans l'Ancien Régime, c'était Dieu. Dans la démocratie, ceux qui gouvernent, souvent mettent en avant l'argument du du bon sens. Là, nous sommes ramenés à un argument de pure autorité et de disqualification des oppositions. Vous savez, il faut vraiment avoir les nerfs solides quand pendant toute une journée, on vous répète sur tous les tons que vous êtes responsable de la mort des gens qui meurent à cause du Covid parce que vous ne faites pas comme le gouvernement vous a dit de faire. Il crée une ambiance qui n'est pas celle d'une crise sanitaire. Bon, je sais, moi, que j'aurais mis en place un comité de suivi parlementaire. Pas leur truc, là-bas, où ils nous convoquent à intervalles réguliers à Matignon. Et ensuite, comme personne ne sait ce qui s'y est dit, ils nous font endosser des responsabilités, la responsabilité de décision qu'ils ont pris tout seuls. Moi, j'y suis allé une fois. Hein? Alors, outre qu'Edouard Philippe racontait des bobards, parce que je lui avais dit, dites donc, vous avez demandé aux cliniques privées, je lui ai dit, comment vous pouvez en douter? Tout le monde prend sa part. Même pas 20 jours après, le président de la Fédération des cliniques privées disait, mais hey, qu'est-ce qui se passe? On ne nous demande rien. Bon, donc il mentait, puis surtout essayait de nous coller sur le dos la responsabilité qu'il avait prise de dire, ben, on maintient les élections municipales. Vous vous rappelez, hein, c'était le vendredi pour le dimanche. Admettons, c'est une décision. Mais pourquoi nous la... Pourquoi dire, ah ben, vous étiez tous d'accord? Parce que c'est pas vrai. Nous n'étions pas tous d'accord. Voilà. Alors, du coup, nous, on a décidé qu'on mettait plus les pieds dans ce genre de réunion, qui revenait à nous impliquer dans des décisions dont on avait discuté nulle part ailleurs, et notamment pas au Parlement. Moi, je sais que si je présidais le pays, ce que je dirais, le conseil que je donnerais au Premier ministre, qui dirige et conduit la politique de la nation, d'après la Constitution, c'est de constituer un comité de suivi parlementaire. Parce que ça marche quand on fait ça. Et ça peut être la commission des affaires sociales, mais on peut créer une commission spéciale, comme ça arrive à intervalles très réguliers. Et puis il y aurait comme ça un échange continuel sur les statistiques, les moyens à en mettre en œuvre, les idées qui remontent du terrain. Bon, maintenant, je ne sais pas, vous avez vu cette histoire de d'épurateur d'air. Je la trouve incroyablement menée. Alors évidemment, chaque fois qu'un insoumis intervient, ou une insoumise, hein, il remet des épurateurs d'air. Et tout ce que ça provoque... c'est en quelque sorte des ricanements, ou dire « Ah, les revoilà avec leurs épurateurs d'air ». Ah non, c'est... qu'on nous réponde, qu'on nous dise « Écoutez, ce que vous proposez ne sert à rien », ce qui n'est pas possible. Donc on en reste aux railleries et au sarcasme. C'est pas sérieux, dans une situation comme celle qu'on connaît. C'est pas sérieux. Il y a les entreprises en France pour fabriquer les épurateurs d'air. Mais pour ça, il aurait fallu planifier. On peut encore planifier. Il dit « J'espère que ça sera la dernière vague ». Moi aussi, j'espère. Mais supposons que ça ne soit pas le cas. Et puis supposons qu'il y a une nouvelle pandémie, parce que des pandémies, il continuera à y en avoir, aussi longtemps qu'il y aura les élevages ultra-concentrés que vous connaissez. Donc la décision de mettre en place des épurateurs d'air, ou d'avoir des stocks des épurateurs d'air, c'est quelque chose de logique, qui prépare, qui planifie, qui organise. Mais quand nous, on leur a dit qu'il y aurait une deuxième vague, moi, ça est pareil, on s'est fait traiter de tous les noms, mais moi, je ne suis pas virologue, j'en savais strictement rien, j'ai lu. Je me suis rapproché de virologues, j'aurais dit, ça se passe comment d'habitude quand il y a une épidémie? Alors, il y a plusieurs vagues, on voit très bien, voilà, les virus mutent. Bon, bah, on apprend au passage, tous, autant qu'on est. Mais comment peut-on faire fonctionner une démocratie, sinon que comme ça? Ben, on apprend au fur et à mesure. On s'intéresse à des sujets auxquels on n'avait pas pensé. Bon, alors, il y a des métiers où vous êtes obligé de le faire, c'est le cas des médias, où vous êtes obligé de vous intéresser à 50 millions de trucs tout au long de l'année. Mais le citoyen qui veut faire son rôle, non, c'est pas son cas. Donc à intervalles réguliers, il y a des sujets nouveaux qui surgissent, il doit se renseigner, il doit apprécier. Donc si nous disons que les épurateurs d'air est une solution, permettez-moi de vous dire, je trouve ça plus rationnel, que de mesurer le CO2 pour dire à partir d'une certaine quantité de concentration du CO2, on ouvre la fenêtre. Ou bien ouvrir les fenêtres toutes les heures, bon alors qu'on est dans un pays, ouvrir la fenêtre, c'est pas un acte neutre pour la santé, quand il fait très froid dehors. Bon enfin tout le monde sait ça. Ben, eux, non, apparemment, non. Alors, ils veulent pas l'entendre parler. On sait pourquoi. Il y a, je crois, plus de... presque une centaine d'entreprises qui est capable de fabriquer un épurateur d'air. C'est pas un mécanisme très compliqué, hein. C'est un rayon ultraviolet qui passe dans un tube, et l'air qui passe, tout ce qui est vivant, il meurt. Bon, point. C'est pas très sophistiqué comme technique. Bon, moi, j'en ai pas ici, non. On en a acheté au siège de la campagne... Voilà, quand vous venez en conférence de presse au siège de campagne, il y a un épurateur d'air, on a mis un autre sur le palier. C'est pas si compliqué que ça. Pourquoi veulent-ils pas le faire? On n'en sait rien. Pourquoi ils veulent pas organiser le roulement des heures de travail? pour éviter que tout le monde soit sur les quais de gare en même temps. Qu'est-ce que ça coûte de faire ça, hein, comme décision à prendre, c'est pas si compliqué non plus. Alors là, bon, on est parti dans une situation où ils savent très bien ce qui leur pend au nez. C'est que comme le Omicron se diffuse beaucoup plus vite, on dit qu'il est moins dangereux. Enfin, il est quand même dangereux, hein. Faut pas non plus croire que c'est inoffensif. Eh bien, ce qui peut se produire, c'est que partout, les choses arrêtent de fonctionner. Dans l'éducation nationale, il y a déjà une situation qui est très préoccupante. Très préoccupante. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Rappeler les retraités. Franchement, c'est ça l'idée. Rappeler les retraités pour remplacer ceux qui sont malades. Précisément, ce sont des personnes à risque. Tu parles d'une trouvaille. Bon, alors, je crois que ça, tout ça, c'est pas planifié, c'est pas géré, c'est pas réfléchi, c'est là-bas comme je te pousse. Alors lundi, on apprend qu'il manque beaucoup de monde, il n'y a pas moyen de le savoir avant. Dans l'éducation, on remplace les gens mercredi par le tout venant. Tout est fait à là-bas comme je te pousse. Mais du coup, le risque est là. Vous l'avez vu comme moi, le système de l'économie globalisée a donné comme résultat la coupure des chaînes d'interdépendance, de production. Bon. Et ça a commencé avec le fait que les marins étaient malades. Personne n'avait pensé à ça. Mais les marins tombant malades, ou les marins ayant fait leurs 11 mois de présence sur les bâtiments, quand ils veulent arrêter, parce que c'est leur droit, redescendre à terre, on leur dit « vous descendez pas ». Et quand il s'agit de faire monter des gens sur le bateau, on leur dit « vous n'avez pas le droit de sortir ». Bon, donc ça a coupé les chaînes d'approvisionnement. C'est parti de la santé des marins, le point de départ. Après, il y en a d'autres. Pareil, il n'y a personne pour couper les arbres, donc il manque du bois. Il n'y a personne pour mettre en tas ceci, cela. Bref, les chaînes se sont coupées. Mais en France, à partir d'un certain taux de malades ou de gens qu'à contact dans les trains, par exemple, vous devinez d'avance le résultat. Ou dans l'aviation, etc. Par conséquent, ça mérite mieux que de se dire ben, « on s'en fout, du moment qu'on a dit à tout le monde de se vacciner, l'affaire est réglée ». Ben non, l'affaire n'est pas réglée. Je ne sais pas si je suis convaincant, j'essaye. J'ai une dernière question parce qu'il y a un conseil de défense sanitaire aujourd'hui et l'état d'urgence a été décrété en Guadeloupe, Guyane, Mayotte, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Comment vous prenez cette question ? Bah, c'est pas vraiment une surprise. Hein. Mais ils vont faire quoi, là ? Parce que quand je me trouvais en Guadeloupe, on avait atteint la date limite. Ils l'ont repoussée au 31 décembre. Et tous ceux qui n'étaient pas vaccinés dans le secteur de la santé, mis à pied. Et entre-temps, ils ont dit ils peuvent avoir une rupture conventionnelle. Ce qui était vraiment une incitation à s'en aller. Hein. Invraisemblable. Alors ça, c'était pour l'hôpital public. Mais au passage, quand j'étais en Guadeloupe, on m'a expliqué qu'il y avait 300 ou 400 personnels soignants libéraux, c'est-à-dire médecins de ville, qui ne veulent pas se vacciner, infirmiers, etc., qui étaient eux aussi mis sur le côté. Donc la technique utilisée, encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire qu'ils ont raison ou pas de ne pas se vacciner, mais je dis, la décision publique aggrave brutalement la crise. Parce que quand vous enlevez 15% du personnel d'un hôpital, ça fonctionne moins bien, et puis après, ça ne fonctionne plus. Si vous enlevez toutes les personnes qui sont en état de faire des vaccins du droit d'approcher des patients, vous aggravez la situation. Par conséquent, dans les conditions actuelles, l'état d'urgence sanitaire aggrave la situation sur ces territoires. On a essayé de le dire, peut-être qu'on n'a pas été assez performant pour convaincre les autorités de bien comprendre la nature de la situation. Et les gens qui se comportent comme ça ne le font pas parce qu'ils sont irrationnels, absurdes, etc. C'est parce que, précisément, ils ne sont pas convaincus. Et ils ne sont pas convaincus parce qu'il y a des motifs qui circulent de ne pas se vacciner. Personnellement, j'ai passé un certain temps à discuter avec une cardiologue qui ne voulait pas se vacciner et qui m'a expliqué à Pointe-à-Pitre l'enchaînement qu'il y avait entre les maladies auxquelles le chlordécone donne plus facilement accès dans le corps d'une personne contaminée, c'est-à-dire des infections générales ou locales, parfois invisibles, et l'impact négatif de la superposition du vaccin là-dessus. Alors, sans être... Moi, je ne suis pas cardiologue, donc je suis incapable de vous dire... je ne suis pas capable d'apprécier. Mais si, quand un cardiologue me dit ça, il me dit notamment que l'impact de ce type d'infection sur le cœur est tout à fait évident, il dit quelque chose qui existe. Peut-être qu'elle ne l'a pas dit qu'à moi. Et qu'il y a plein de gens qui se disent « Mais si je me fais vacciner, je prends un risque. » Bon. Aucun médecin ne vous dira qu'un vaccin est sans risque. Moi, j'en connais pas. Tous ceux à qui j'ai posé la question, y compris d'ardents vaccinateurs. Mais si vous voulez, la stratégie du dos au mur, c'est le pendant en matière sanitaire de la dictature en démocratie. C'est-à-dire, on pense toujours que, comme c'est une décision d'autorité, ça va être plus efficace. Hein. Et ça conduit les gens à dire des choses de plus en plus extravagantes. Par exemple, tel professeur qui demande si les personnes qui ne sont pas vaccinées doivent être admises en réanimation. Alors, j'espère que c'est un moment d'égarement, quoi. Enfin, c'est invraisemblable de dire une chose pareille, d'abord parce que ça va contre le serment que font tous les soignants, et puis surtout parce que, alors là, pour le coup, on est 100% dans la logique les devoirs précèdent les droits. Vous voyez comment la solution d'autorité conduit sans cesse à des surenchères. C'est le propre de toutes les... je veux peser mes mots, parce que... de tous les pouvoirs qui sortent du rail de la conviction et de la démocratie. C'est tous les jours, il faut trouver quelque chose de plus pour contraindre. Et là, bon, on a trouvé le président de la République pensait avoir trouvé la recette miracle, empêcher les Français d'aller au bistrot, au restaurant, au cinéma, enfin bon... Alors après, vous avez vu au patauge. Alors nous avons des jauges. Alors il y a des jauges pour les spectacles culturels. Alors on me dit, il faut appliquer ça à la politique. Mais pas du tout, je ne peux pas. Supposez que je veuille, ce qui n'est pas le cas. Je ne peux pas. Parce que quelqu'un vient, je vous ai déjà raconté cette histoire, on aurait droit à 2000. Il arrive quelqu'un qui dit, je suis le 2001e. On dit, ah non, vous ne rentrez pas. Je lui dirais, pardon, vous n'avez aucun droit de faire ça. Parce que le Conseil constitutionnel a dit qu'il n'y a pas de jauge pour les manifestations politiques. Donc, je n'ai pas le droit. Et on nous dit, vous devez demander le pass sanitaire. C'est interdit. Ce serait un abus de pouvoir. Vous voyez, c'est comme ça la vie des groupes humains. Vous n'aurez jamais rien de plus important et de plus fort que la conviction. Vous savez, les campagnes de vaccination dans notre pays, les premières campagnes de vaccination, elles procédaient par l'exemple, hein. Louis XVI, il s'est fait lui-même vacciner de la variole. Hein. Il n'a pas dit « tout le monde sera vacciné », il ne pouvait pas, mais bon. Mais on montrait l'exemple. Pour les Français, c'est comme ça. Pour les convaincre de manger des patates, on a dit que c'était interdit d'en prendre. Donc évidemment, dès le lendemain, tout le monde en voulait. Bon, ça, c'est l'épisode Parmentier. Mais gouverner est un art. Alors là, je cite des méthodes un peu rustiques, hein. Prise sous l'Ancien Régime, mais dans les sociétés démocratiques, avec des gens cultivés, qui ont été à l'école et tout ça, bon, enfin, faut convaincre, voilà, il n'y a pas le choix. Si vous voulez faire autre chose, ben, faites autre chose. Faites dictateur, mais pas en France. On ne fait pas ça ici. Ce n'est pas le genre de la maison. Sacré moment, hein. Merci à vous d'être venu comme ça, là. Je ne m'attendais pas à ça. Il y a 3 millions d'années que je dormais dans la tourbe, quand un méchant coup de pioche me trancha net le col et me fit effectuer une gracieuse courbe, à la fin de laquelle je plongeais dans le formol. D'abord on a voulu me consolider la face, on se mit à me brosser mâchoire et temporale, suivi d'un shampoing au bichromate de potasse, puis on noie une faveur autour de mon pariétal. Du jour au lendemain, je devins une vedette, journaux, télévision, y en avait que pour moi. Tant et si bien du reste que les autres squelettes, se jugeant délaissés, me battaient un peu froid. Enfin, les scientifiques, suivant coutume Zeus, voulant me baptiser de par un nom latin, m'ont appelé Pité Cantropus Erectus. Erectus, ça me va bien, moi qui étais chaud lapin. Et ces messieurs savants, à bottines et pince-nez, sur le vu d'un petit os ou d'une prémolaire, confirme que je possédais de sacrées facultés qui me différenciaient des autres mammifères. Ils ont dit que j'étais un virtuose du gourdin qui assommait bison au roc et bonne fortune, que j'étais drôlement doué pour les petits dessins de Vénus Calipige aux tétons comme la lune. Ils ont dit que je vivais jadis dans une grotte. Ils ont dit tellement de choses, tellement de trucs curieux. J'étais couvert de poils et que j'avais pas de culotte, alors que j'habitais un pavillon de banlieue. J'étais comme tout le monde, pétri de bonnes manières. Tous les dimanches matins, je jouais au tiercé. Je portais des cols durs et des bandages rainières. C'était avant la guerre, avant que tout ait sauté. C'était, voilà maintenant, bien 3 millions d'années. Vous n'avez rien à craindre, y a plus de retombées. Bonsoir Clément. Bonsoir. On va parler, ce n'est pas très original aujourd'hui, mais c'est normal, c'est la polémique du moment avec la candidate Les Républicains à la présidentielle, Valérie Pécresse, qui a saisi le CSA. Elle proteste contre l'interview de 2 heures du chef de l'État Emmanuel Macron. Elle sera diffusée demain soir sur TF1 et LCI. Valérie Pécresse estime qu'il s'agit là d'une rupture de l'égalité de temps de parole, mais pour vous Clément, toute cette histoire tient moins du débat politique que de la reconstitution historique, c'est bien cela ? Eh oui, je sais que ça a l'air étrange, hein, mais accrochez-vous, à un moment donné, je vous le promets, cette phrase prendra du sens. Valérie Pécresse, donc, qui hier a déclaré « On ne peut pas avoir un président candidat qui se fait ouvrir les chaînes de télévision à la demande et pendant des heures fait sa campagne ». Ce matin, sur France Info, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, lui a répondu. Est-ce que je peux vous lire une phrase ? Je souhaite que le président de la République soit candidat le plus tard possible parce que nous avons besoin d'un président qui agisse. Aujourd'hui, nous sommes dans une période de crise. Aujourd'hui, nous sommes dans une période de crise. Et de toutes les façons, pour l'instant, le sujet, c'est les Français. Le sujet, c'est les Français, le chômage, la croissance, l'Europe. Donc nous sommes totalement à notre tâche. Totalement à notre tâche. Et la présidentielle, le temps viendra. Et la présidentielle, le temps viendra. Alors, il faut remettre tout cela dans son contexte. La voix que vous venez d'entendre est bien sûr celle de Valérie Pécresse en janvier 2012 sur France Inter. À l'époque, elle était elle-même porte-parole du gouvernement et le président Sarkozy venait de donner une grande interview télévisée quelques mois à peine avant l'élection présidentielle. Elle se trouvait donc, Clément, en situation de devoir répondre aux critiques qu'elle adresse elle-même aujourd'hui. Eh oui, exactement, exactement. C'est ce que Gabriel Attal ne se prive pas de lui rappeler. Alors, en termes rhétoriques, on appelle ça une objection ad hominem. L'objection ad hominem consiste à attaquer la cohérence de la ligne de l'adversaire, à ne pas confondre, bien évidemment, avec l'objection ad personam qui attaque directement l'adversaire lui-même. Et un ad hominem bien placé, eh bien, ça fait mal. À l'époque, elle défendait le fait, que je rejoins d'ailleurs sa défense, que le président de la République puisse s'exprimer dans un contexte de crise. Elle a la fébrilité comme moteur et l'hypocrisie comme carburant. Parce que la réalité, c'est qu'elle dit aujourd'hui l'inverse de ce qu'elle disait à l'époque. Vous avez ici les deux conséquences immédiates d'une objection ad hominem. La première, c'est qu'elle dégrade la crédibilité de celui ou celle qui l'a subi. Vous l'avez entendu chez Gabriel Attal, Valérie Pécresse utilise aujourd'hui ce qu'elle dénonçait hier. C'est bien la preuve qu'elle est fébrile et hypocrite. La deuxième conséquence, c'est que l'ad hominem fournit à celui ou celle qui l'utilise un argument inattaquable. C'est ce qui autorise Gabriel Attal à dire, comme le dit Valérie Pécresse, le président en exercice est légitime à s'exprimer en période de crise. Ouais, ça paraît assez imparable. Est-ce que tout ceci n'est quand même pas un exercice un peu convenu ? Si, bien sûr. Totalement, totalement. Et d'ailleurs, en écoutant l'interview de Valérie Pécresse sur France Inter, je me suis rendu compte qu'il y avait un passage que Gabriel Attal se garde bien de citer. Vous allez vite comprendre pourquoi. C'est frustrant aussi pour nous, vous savez. Moi, j'aimerais bien qu'on rentre dans la campagne présidentielle. Ah bon ? J'aimerais bien pour pouvoir dire ce que je pense du projet de François Hollande. C'est plus un inconvénient qu'un avantage de ne pas être en campagne aujourd'hui pour nous. Parce que la réalité, c'est que on a moins la possibilité de répondre aux critiques. Tiens, comme c'est étrange. Voilà donc deux porte-paroles qui disent la même chose à 10 ans d'écart. Ils sont tous les deux frustrés de ne pas pouvoir répondre à leurs adversaires. Notons d'ailleurs qu'ils disent cela dans des interviews où, précisément, ils répondent à leurs adversaires. Mais passons, bref. En effet, tout ceci est désespérément convenu. Nous assistons, d'élection en élection, aux mêmes séquences écrites à l'avance, d'attaque et de défense, si bien que le débat politique finit par s'apparenter, vous savez, à ces reconstitutions de joutes chevaleresques, où des cascadeurs se livrent à une démonstration d'escrime chorégraphiée, en poussant de grands cris rageurs, tout en sachant qu'ils ne courent absolument aucun danger, parce que leurs épées, en réalité, n'ont jamais été affûtées. Et pendant que nous, citoyennes, citoyens, nous divertissons devant ces simulacres d'affrontements herculéens sans cesse rejoués, il y a une chose qu'hélas nous perdons de vue, ça s'appelle le débat d'idées. Ouais, une porte-parole, c'est un métier. Merci beaucoup Clément Viktorovitch, c'était Entre les lignes. La rue des blancs manteaux, ils ont élevé des tréteaux et mis du son dans un seau. Et c'était un échafaud dans la rue des blancs manteaux. Dans rue des blancs manteaux. Le bourreau s'est levé tôt, c'est qu'il avait du boulot. Faut qu'il coupe des généraux, des évêques, des amiraux, dans la rue des blancs manteaux. Dans la rue des blancs manteaux, sont venues des dames comme il faut, avec de beaux affutiaux. Mais la tête leur faisait défaut, elle avait roulé son haut, la tête avec le chapeau dans le ruisseau des blancs manteaux. En Europe, la population vieillit, c'est un fait. Donc le Parti des Verts en Allemagne m'a invité en 2008, par exemple. Ils réfléchissaient sur l'impossibilité de fournir le même pourcentage de personnes qui partaient à la retraite que de personnes qui rentraient sur le marché de l'emploi. Ça, c'est un fait. Dans un pays comme la France, par exemple, on sait que 40% du taux de natalité est assuré par des populations étrangères. C'est une réalité aussi. Donc maintenant, on est dans une situation où c'est ce que vous vous dites qui renforce l'extrémisme. Quand vous dites que l'immigration pose un problème, il faut aussi parler des avantages de l'immigration. Parce que moi, quand je travaille en France, je paye mes impôts ici. Donc les étrangers qui sont là, il y a une partie qui peut travailler et envoyer au pays aider. La majorité paye ses impôts, s'installe dans vos pays, enrichit vos pays. Donc ce sont des citoyens productifs. Après, il faut voir, il y a une minorité qui vient, il y a des morts, certes. Mais je voulais souligner une chose. Le discours que vous avez, il est encore légitime tant que l'Afrique restera muette. Et moi, aujourd'hui, je voulais m'indigner pour le silence de l'Union africaine. Les gens-là qui meurent sur les plages, et je mesure mes mots, si c'était des Blancs, la terre entière serait en train de trembler. Ce sont des Noirs et des Arabes. Alors, eux, quand ils meurent, ça coûte moins cher. Ici, j'étais venue en 2008 et j'avais dit, l'Union européenne, avec ses flottes de guerre, avec son économie, je vous dis une chose, si on voulait attaquer nos pays ici en Occident, il y aurait des moyens de se défendre. Donc, si on voulait sauver les gens dans l'Atlantique, dans la Méditerranée, on le ferait. Parce que les moyens qu'on a mis pour Frontex, on aurait pu les utiliser pour sauver les gens. Mais on attend qu'ils meurent d'abord. C'est à croire que le laisser mourir est même un outil dissuasif. Et je vais vous dire une chose, ça ne dissuade personne. Parce que quelqu'un qui part et qui envisage l'éventualité d'un échec, celui-là peut trouver le péril absurde et donc l'éviter. Mais celui qui part pour la survie, qui considère que la vie qu'il a à perdre ne vaut rien, eh bien, celui-là, sa force est inouïe, parce qu'il n'a pas peur de la mort. Mais c'est exactement donc, voilà. Pourquoi il c'est faut exactement fermer pourquoi des frontières votre discours, il faut sauver ça, l'Afrique et sauver l'Europe. Vous ne pourrez pas rester comme des monsieur, des gens vous ne resterez pas comme des poissons rouges dans la forteresse européenne. La crise actuelle nous a démontré ça. Au jour d'aujourd'hui, l'Europe ne sera plus jamais épargnée tant qu'il y aura des conflits ailleurs dans le monde. L'Europe ne sera plus jamais opulente tant qu'il y aura des carences ailleurs dans le monde. On est dans une société de la mondialisation où un Indien gagne sa vie à Dakar, un Dakarois gagne sa vie à New York, un Gabonais gagne sa vie à Paris, que ça vous plaise ou non, c'est irréversible. Alors trouvons une solution collective ou bien déménager d'Europe parce que j'ai l'intention de rester. Je veux dire que depuis quelques années, on a une espèce d'abus de langage qui a introduit des amalgames. Au jour d'aujourd'hui, toute personne typée avec un air d'étranger est considérée comme immigrée. Tous les étrangers, en tout cas toutes les personnes d'origine étrangère qu'on peut rencontrer en Europe ne sont pas forcément des immigrés. Donc il y a des gens qui sont normalement protégés par la Convention de Genève pour les réfugiés. Ces personnes-là, quand on ne les accueille pas normalement, ils viennent dans les mêmes mouvements que les immigrés économiques. Donc quelqu'un qui fuit la guerre, ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui cherche du travail. Quelqu'un qui fuit la guerre est protégé par la Convention de Genève. Et quand on a parlé ici à l'époque, je ne veux pas remuer les mauvais souvenirs, mais ministère de l'Immigration et de l'Identité Nationale, on a fait des réfugiés presque des coupables de droit commun, comme un voyageur qui ne respecterait pas les lois internationales pour le visa, donc l'autorisation d'entrer dans un territoire. Or, quelqu'un qui voyage librement peut respecter ces choses-là. Quelqu'un qui fuit la guerre pour survivre n'a pas le temps de respecter ces choses-là. Or, aujourd'hui, on met l'amalgame et on met tout le monde dans le même sac. Je voudrais aussi dire que quand vous êtes Canadien blanc, ou argentin et vous venez vous installer en France, vous êtes un expatrié. Quelqu'un qui voyage, qui est libre de voyager. Et si vous êtes africain ou indien ou afghan, vous venez en France ou en Allemagne, vous êtes l'immigré, peu importe les raisons pour lesquelles vous êtes là. Et donc cette représentation de l'autre, l'Europe doit corriger son regard si elle ne veut pas encourager la xénophobie. Parce que la représentation qu'on se fait de l'autre alimente ensuite le repli sur soi, le rejet. Donc voilà, voir quelqu'un qui est en règle, essayer de savoir d'où vient cette personne, pourquoi cette personne vient, ça, les Européens ne se demandent même plus ça. Ils vous croisent, vous êtes étranger, vous avez l'air étranger, vous êtes venu pour la tarte à la crème. Non. Donc l'Europe doit se respecter davantage. On ne vient pas que chercher du pain. On peut venir aussi pour la liberté, pour la démocratie, pour la culture européenne. Donc l'Europe aussi nourrit un vrai mépris d'elle-même en pensant qu'il n'y a que l'alimentation qui amène les gens. Elle n'a que ça à proposer. Je pense qu'elle a plein d'autres choses à offrir. Des familles entières qui cotisent parfois sûr, pour ouais. faire partir quelqu'un. Bien et ce n'est pas 1000 euros. Parfois, ça va entre 1500 euros et 7000 euros. Ouais, 10 000 depuis parfois. Le Sénégal ou la Gambie et... ou la Guinée pour venir parce juste. Parce que ce n'est pas la misère. Quand vous, quelqu'un part, c'est comme quelqu'un qui est élu, choisi, peut-être le plus débrouillard. Et il y a tout un clan ou toute une famille qui pose son espoir sur cette personne-là. Monsieur, là, je vous vois bien habillé, bien nourri. Si vous étiez affamé chez vous, peut-être que votre famille serait ravie d'imaginer que vous pourriez aller gagner de quoi faire vivre les autres. Donc c'est aussi une solidarité qui est en œuvre. On laisse partir quelqu'un, on compte sur lui. Vous allez me laisser terminer. Et Schengen, entre guillemets Schengen, ça me permet d'être invité aux Pays-Bas, monsieur, donner des conférences dans vos universités. Quand ils trouvent que mon cerveau est convenable, là, ils l'utilisent. Par contre, ils sont embêtés à l'idée d'avoir mon frère qui n'est pas aussi diplômé que moi et qui pourrait avoir peut-être envie de travailler dans le bâtiment. Donc, vos pays deviennent schizophrènes. On ne peut pas trier les gens comme ça avec les étrangers utiles et les étrangers néfastes. Et la deuxième chose que je veux dire aussi, c'est que les Européens, là, on voit des Africains qui viennent, d'accord ? Ce mouvement, ce déplacement de population, on le voit. Mais on ne voit pas le mouvement des Européens allant vers les autres pays. Alors, celui-là, c'est le mouvement des puissants. Ceux qui ont l'argent, ceux qui ont le bon passeport. Donc vous allez au Sénégal, vous allez au Mali, vous allez dans n'importe quel pays du monde, au Canada, aux États-Unis, partout où je vais et je voyage tout le temps, je croise des Français, des Allemands, des Hollandais. Je les rencontre partout sur cette planète parce qu'ils ont le bon passeport. Donc comme avec l'exotisme, l'Europe s'était arrogé le précepte unique, unilatéral, de l'exotisme. Les autres sont exotiques. Alors que pour quelqu'un de mon village, il n'y a rien de plus exotique que quelqu'un d'Amsterdam. Maintenant, pour l'étranger aussi, pour les voyages des temps modernes avec la mondialisation, quand les pauvres viennent vers vous, il y a des mouvements de foule qu'il faut bloquer. Mais quand vous, avec votre passeport et avec toutes les prétentions que cela donne, vous débarquez dans les pays du tiers-monde, là, vous êtes en terrain conquis. Donc on voit les pauvres qui se déplacent. On ne voit pas les riches qui investissent dans nos pays. L'Afrique se développe à un taux entre 5 et 10%. Ce n'est plus de la progression, c'est de la surchauffe. Sauf que quand des pays du tiers-monde se développent et qu'ils n'ont pas les moyens pour gérer tout ça, il faut une ingénierie, il faut une formation, il faut des populations pour installer une démocratie. Là, cette surchauffe-là, vous avez besoin qu'on reste dominé pour servir de débouché à l'industrie européenne. Alors il faut arrêter l'hypocrisie. On sera riches ensemble ou on va se noyer tous ensemble. Voilà. C'est vrai que les libéraux ont tendance à se focaliser uniquement sur l'impôt sur le revenu en disant les pauvres ne payent pas d'impôts. C'est une idée qu'on démonte là-dessus. Plus de la moitié de la population ne paie pas d'impôt sur le revenu. C'est absolument vrai. La moitié des plus pauvres ne paient pas d'impôt sur le revenu, mais quand on dit ça, on oublie de préciser que l'impôt sur le revenu, ça représente la moitié des recettes de la TVA. Donc la TVA, c'est un impôt que vous payez quand vous consommez, quel que soit ce que vous consommez. On peut d'ailleurs ajouter toutes les autres taxes sur la consommation, sur l'essence, sur le tabac, etc. Quel est le problème de ces impôts? Pourquoi est-ce qu'on dit qu'ils sont injustes? En réalité, je l'ai dit tout à l'heure, plus on est riche, plus on consomme une part faible de notre revenu et plus on épargne. Donc, en fait, si vous êtes pauvre, vous consommez l'intégralité de votre revenu quasiment. Si on prend les ménages les plus pauvres, vous épargnez pas. Si vous êtes pauvre, donc, ça veut dire que la TVA, elle va s'appliquer à l'ensemble de vos revenus. Plus vous êtes riche, et plus vous allez épargner. Et donc, en fait, plus la TVA va représenter une faible part de vos revenus. Et c'est pour ça que si on prend non pas uniquement l'impôt sur le revenu, mais tous les impôts, en réalité, aujourd'hui en France, un pauvre paye proportionnellement plus d'impôts que les très riches. Le système fiscal, il est progressif, mais il devient dégressif pour les très très riches. L'évasion fiscale, les niches fiscales font que les très très riches échappent à l'impôt. Et donc aujourd'hui, en fait, on a un débat qui se focalise systématiquement sur les impôts. Alors c'est vrai qu'ils sont plus visibles, hein, parce que quand on paye la TVA, on s'en rend pas forcément compte, mais on oublie systématiquement de dire qu'aujourd'hui, la principale recette fiscale, c'est la TVA. Et comme je le disais tout à l'heure, ce qui est vraiment dérangeant, c'est qu'au cours de l'histoire, on réduit systématiquement les impôts depuis les années 80, on réduit les impôts payés par les plus riches et par les grandes entreprises, et on augmente les impôts sur la consommation. Los moros que trajo Franco en Madrid quieren entrar, mientras quieren milicianos. Los moros no pasarán, mientras quieren milicianos, los moros no pasarán. No pasarán, no pasarán. Aunque me tiré en el puente, y también la pasarela, me verás pasar el Ebro en un barquito de vela. Me verás pasar el Ebro en un barquito de vela. No pasarán, no pasarán. Mil veces que los tiren, 10,000 veces los haremos. Tenemos cabeza dura, los del cuerpo de ingeniero. Tenemos cabeza dura, los del cuerpo de ingenieros. No pasarán, no pasarán. Se han hundido las banderas italianas, en los puentes solo quedan las que son republicanas, y en los puentes solo quedan las que son republicanas. No pasarán, no pasarán, no pasarán, no pasarán. Celui qui a vu, c'est Charlie Hebdo. Vous lisez Charlie Hebdo à l'armée? On lit Charlie Hebdo? Oui, il y en a qui le lisent. Quelquefois, mon chauffeur me montre, il me dit Alors, j'imagine les beaux cocards qu'il a pu faire. Vous savez qu'il est interdit dans les casernes, alors il n'a jamais pris de jour de prison pour ça, non? Alors, vous savez qu'il bon. A deux obsessions, c'est le militaire et le nucléaire. Alors, on va voir ce qu'il a fait, là, déjà. Oui. Alors là, c'est... Tu nous les commentes un peu? C'est la minute du pacifiste Bellan. Alors j'ai fait un résumé de la vie de Bijar, 40 ans de défaite et 40 ans de jogging. Parce qu'on le voit courir devant les chars allemands en 40, on le voit courir en Indo, après Dien Bien Phu, on le voit partir de l'Algérie, et puis maintenant, il n'est plus militaire mais il est député, et il court devant les multinationales qui envahissent le pays. Donc, c'est un échec sur toute la ligne. Et ben, c'est clair au moins. C'est clair au moins. Là, il y a la fenêtre. Cela dit, il est pour rien s'il a couru et qu'il y a eu des défaites partout, je veux dire. Oui, mais ça me fait peur quand on me dit que l'armée est chargée de nous défendre, parce que ça commence. L'armée, attention, une défense d'un pays. Justement, là, c'est une armée qu'on envoyait, mais j'ai imaginé que ça se produise demain. Une armée, ce n'est pas l'armée, c'est le pays entier qui doit se défendre. On regardait l'enterrement de Tito. Le peuple entier était capable de se battre, de mourir pour la patrie. Êtes-vous capable de mourir pour la patrie? Je le souhaite. Mais je n'en sais rien. Non. Alors, on va faire un vrai débat. On ne peut pas se mettre sur la même longueur d'onde, le problème est là. Moi, je suis pas à 64 ans, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai du fric, j'ai tout ce qu'il faut, mais la patrie, contrairement, je ne suis pas à combien de mains, vous pas. Alors, l'incident est clos, mais les dessins sont bien faits, tous mes compliments. Et voilà. Non, mais j'ai une patrie, c'est la terre entière, j'ai pas une patrie délimitée par des frontières. Ah oui. Ben, moi, j'ai d'abord la tripe nationale. Bon. Bon, alors, le dessin suivant. Déjà, et ses marraines de guerre. Alors, on voit les marraines de guerre depuis 40 ans. Il les a retrouvées, là, dans un asile de Villa. Et il y en a une qui dit « Je vous ai tricoté une écharpe de député, en général. » Oui. Bon. Et puis là, c'est Bijard à l'Assemblée nationale. Il dit « Quand je pense que j'ai été chercher les communistes si loin, alors qu'ils étaient tout près de moi, là, il fait prisonnier tous les 60 députés communistes. » Pas forcément les mêmes. Parce qu'il y a des communistes qui ont la tripe nationale, quand même, j'en connais bien l'Assemblée, qui sont des hommes et qui sont admirablement battus dans le maquis, croyez-moi. Est-ce qu'un général n'est pas quelquefois saisi par la déprime et par l'antimilitarisme lui-même, au fond? Qu'est-ce que c'est la déprime chez un militaire? La déprime, moi je fais partie d'une catégorie qui a démarré dans l'année 14 ans, qui a souffert, qui n'a jamais eu tout ce qu'il fallait, donc ça vous forge quand même. Et puis le fait de vivre... La déprime, l'écœurement, l'abattement, le fait de devoir tuer ses hommes... Non, je pense que, bien sûr, ça, tout être humain est touché quand vous perdez, mais enfin, la guerre, ce n'est pas pour des enfants de cœur, et heureusement encore qu'il y en a qui sont capables de se battre. On verra ce qui se passera dans quelques temps, mais regardez ce qui se passe dans le monde actuellement, qui vit sur une poudrière. Heureusement qu'il y a encore des hommes capables d'aller au sacrifice suprême. Alors, Cabu, un coup d'œil à vos dessins. Oui, alors c'était Jean Lartegui qui parlait du phénomène Dieu sur la planète. Bon. Oui. Alors, j'ai fait un coup double, j'ai fait un curé et un militaire, un aumônier militaire. Oui, qui dit « Dieu est amour, bande de macaques ». Bande de macaques. Alors après, j'ai fait un dessin pour montrer que ce ne sont pas des robots, les militaires. Ils sont aussi très sensibles. Là, on voit un para qui tourne la gégène et il y a sa victime qui dit « Ah ben la torture ». Et le para pleure en disant « Maman, on veut me démoraliser ». Ça, c'est l'ennemi intérieur. Bon, et là, les femmes dans l'armée... Enfin, je ne sais pas s'il apprécie tout à fait le général Bijard à côté de moi. Il a ses idées, non seulement la démocratie. Je vous avais prévenu, mais il est là à toutes les émissions. Tout à fait normal qu'il soit là aujourd'hui. Normal, oui. Alors voilà, les femmes dans l'armée. Elle dit, je dégoupille ma grenade avec mon stérilet. T'es élégant. Bon. Voilà, je ne suis pas absolument sûre, Cabu, que vous ayez fait un abonné à Charlie Hebdo. Oui. Là, je ne suis pas absolument persuadée. Je ne crois pas l'avoir convaincu non plus, alors on reste sur nos positions. Mais vous avez un bon coup de crayon quand même. C'est déjà ça. Et une inspiration que je préférais voir autre, mais enfin, c'est comme ça. Quoi. Voilà. Bijard embarrassé, déstabilisé par Cabu en 1980 pour l'invité du jeudi, en partant... 70 ans, on lui a fait une soirée au cours de laquelle il a fait un magnifique récital, et c'est Jean-Louis Barrault et Madeleine Renaud qui nous ont demandé de chanter avec Trenet, donc on était heureux comme tout de le faire. Et on va voir le grand bonheur de Cabu, qui a pourtant choisi l'une des chansons les plus rapides de Trenet. Oui. Et vous avez eu la chance, Patrick, je le sais, parce que Cabu vous a emmené au concert de jazz, fallait voir Cabu écouter de la musique. Il vivait la musique comme il dessinait. D'ailleurs, il n'arrêtait pas de dessiner les musiciens. C'était la fête, une vraie fête. Il pouvait monter debout sur son siège, alors qu'il n'était pas du tout quelqu'un de très démonstratif. Pourvu qu'il y ait du swing. C'était vraiment la condition. Donc... Cabu chantant Trenet, l'une des chansons les plus rapides et les plus difficiles à interpréter de ce répertoire, la Tarentelle de Caruso, séquence magnifique. Carré Venise, ville exquise, j'arrivais pour le carnaval. À l'auberge de la berge, je chenillerai mon cheval. Plus fantasque comme un masque, j'ai couru droit au corso, en chantant dans la bourrasque ce refrain de Caruso. Quand j'étais jeune en dette, en dentelle, en bois des pétards, je pensais pouvoir ma belle à travers les cheminées des placards. Dans la rue, on a connu une belle signorina, me fait signe qu'elle est digne d'entrer dans la danse avec moi. Je l'emporte à demi-morte, elle tombe dans mes bras, et sa mère en colère nous menace et crie là-bas. Ramène-moi donc ma fille, cavalier, chevalier du guet, je suis veuve et sans famille, je suis vieille, je suis fatiguée. La bonne vieille, tout en larmes, va se plaindre au carabinier. Elle explique à des gendarmes que sa fille est partie à pied. Mais c'est là, l'instant des masques, en gendarme déguisé. Sous le char de la tarasque, il ne pense qu'à s'amuser. Il entraîne dans la ronde, lui rabattre les jupes sur le nez. Ils lui disent qu'elle n'est pas blonde et font mine de l'assassiner. Une danse, ça commence, on ne sait pas, mon corps ça finit. Une belle ribambelle peut durer la vie de la nuit. Surtout quand une poursuite se transforme en farandole et qu'il faut quitter de suite le corso pour la gondole. Le grand canal en fait nous invite à nous exposer. À présent, pressons la tête, attention, c'est le fond du soupir. La nuit passe, on s'enlace, on est seul sur le banc de bois. Aux merveilles, sans ta vieille, je suis plus heureux que ça m'a. Mais que dis-je, quel prodige, nous voilà vite cernés. Et tes doges nous délogent en criant venez, venez. Bonheur et de tout âge, mes amis, nous vous invitons. Venez voir le beau mariage, nuit de vieille, nuit d'un petit recrutement. Prends ma fille, elle est gentille, dit la vieille, regarde-moi. Je convole, oui j'épouse un masque de joie. Mais le ciel s'est fait tout rose, je me sens décontenancé. Je ne voulais pas tant de choses, juste un petit peu usé. J'embrasse la fille en larmes, elle me dit je m'appelle Silo. Je serre la main du gendarme, bien le bonjour, je m'en vais au dos. De Venise, ville exquise, j'ai gardé le doux souvenir d'une belle ribambelle, d'Arles XV et de grand vizir, d'un baiser de tourterelle, de la folie du corso, et aussi de la parentèle que chantait le grand Caruso. Énorme et fantastique, dans les noces et les banquets, au dessert, à pour les cliques, et les pieds de dans les baquets. Quand j'étais jeune en dette, en monnaie, en star, je passais pour grand ma belle à travers cheminée. Toutes ces guerres, la haine, le sang et la misère. On est tous nés sur cette terre pour vivre heureux comme des frères. Dis-moi, papa, pourquoi c'est mort? Au nom de Dieu, de tous les bords, on viole, on tue, on assassine. Au pied des tours, il y avait des fleurs. sont esclaves. Qui vivent l'enfer, soumises mais braves. Un jour viendra, nos fils joueront. Sans haine, ni guerre de religion. Ils avaient même récupéré un bazooka, au cas où le Führer viendrait en voiture blindée. Tout était prêt. Malheureusement, le groupe Gautier est dénoncé et la Gestapo neutralise le réseau le 7 juin 1944, 10 jours avant que le Führer n'arrive ici. Cet attentat n'aura donc jamais lieu. Mais Hitler doit plus que jamais surveiller ses arrières. À la même période, 200 km plus à l'ouest, au château de la Roche-Guyon, des plans secrets sont en train de se décider en cachette du Führer. Une conspiration qui pourrait tout changer pour la suite du conflit. Cet épisode méconnu de la Seconde Guerre mondiale va se passer derrière les murs épais de cet édifice prestigieux. Un lieu chargé d'histoire qui a vu le jour il y a plus d'un millénaire. Il était censé protéger les habitants des invasions vikings. Mais le château que nous connaissons aujourd'hui, la partie basse de l'ensemble, a pris forme bien après, au siècle des Lumières. La période la plus importante pour ce château est le XVIIIe siècle. Le duc Louis-Alexandre de La Rochefoucauld et sa fille la duchesse d'Anville en sont les principaux acteurs. Et vous voyez derrière nous ces bâtiments qui sont l'existant de cette période. Condorcet, Maurepas ou encore D'Alembert sont passés dans ce lieu qui était à l'époque un lieu de réflexion et d'échange reconnu. Tous apprécient le vaste potager. L'entrée monumentale de la cour d'honneur, le charme de ce château si différent incrusté dans la falaise. En 1944, l'un des plus hauts dignitaires du régime nazi va s'intéresser lui aussi de très près à cet endroit. Erwin Rommel, le chouchou d'Hitler, fraîchement chargé de la défense des côtes de la Manche, y installe son quartier général. Car l'endroit est pour lui idéalement situé à l'abri des regards. Rommel voulait être discret ici à la Roche-Guyon. Et dans ce petit village de 500 habitants, les 1500 Allemands qui s'installèrent autour de lui furent assez discrets. Pas de drapeau nazi, pas de sécurité trop importante. Ainsi, Rommel peut œuvrer dans la discrétion la plus totale, sans éveiller les soupçons de la résistance ou des services secrets. Le site possède également un avantage de taille. Caché sous la falaise, un petit réseau de galeries creusées dans la craie offre une protection providentielle en cas d'attaques aériennes. Rommel établit le cœur de son quartier général dans les plus beaux appartements du château. Clin d'œil de l'histoire, il place son bureau dans une pièce dont les tapisseries vont lui faire durant tout son séjour un joli pied de nez. Ici, l'ironie veut que Rommel ait travaillé à l'ombre des tapisseries des gobelins qui représentaient des scènes de la vie d'une reine juive, la reine Esther, qui défendit son peuple contre la méchanceté du peuple perse. Et cela échappa bien entendu à Rommel. Ce qui n'échappa à Rommel, c'est la situation sur le front de l'Ouest, dont il faut renforcer les défenses. Rommel choisit la Roche-Guyon parce que c'est un lieu qui lui convient au plan stratégique. Ce lieu est à la fois proche de Paris mais aussi proche des plages normandes ou des plages du Nord où les Alliés sont censés débarquer. Car si Rommel s'entoure d'autant de précautions, c'est que sa mission est de la plus haute importance et ne doit être connue des Alliés sous aucun prétexte. Au château de la Roche-Guyon, ce sont les plans de défense en cas de débarquement sur les côtes de la Manche qui se dessinent en secret. Rommel s'installe dans ces lieux avec l'ensemble de son état-major et dès le surlendemain part en inspection sur ces fameuses plages normandes dont il a entendu parler et laisse son état-major régler les problèmes de logistique et de planification opérationnelle. Tous les membres de l'état-major de Rommel concentrent donc leur énergie sur la protection des plages normandes. Tous ? Pas exactement. Certains officiers ont autre chose en tête. Car le véritable secret du château, c'est la réunion qui aura lieu ici en juin 1944, en l'absence de Rommel. Une rencontre censée changer radicalement le cours de la guerre. Nous sommes ici dans la salle à manger du château, où eut lieu, le 5 juin 1944, un dîner peu ordinaire. Le chef d'état-major de Rommel, un des conjurés, le général Speidel, avait invité l'ensemble des autres conjurés, officiers supérieurs ou généraux de la Wehrmacht en France. Les conjurés, c'est-à-dire ceux qui complotent contre Hitler. Tous les officiers présents ce soir-là sont au courant d'une nouvelle explosive. Dans quelques jours, le 20 juillet 1944, d'autres généraux allemands vont perpétrer à Berlin un attentat contre le Führer, connu sous le nom d'Opération Valkyrie. Les conjurés de la Roche-Guyon sont chargés de programmer l'après-attentat. L'idée des conjurés, dont Speidel, le chef d'état-major de Rommel, était de poursuivre la guerre contre les soviétiques, mais de traiter au plus vite, faire un armistice avec les Anglais et les Américains. Le plan des conspirateurs de la Roche-Guyon serait donc de concentrer les dernières forces de l'armée allemande sur le front de l'Est. Mais avant d'en arriver là, il leur faudra aussi s'emparer du pouvoir et donc écarter les plus proches d'Hitler. Certains voulaient simplement emprisonner les principaux généraux SS, d'autres au contraire voulaient les supprimer physiquement. Et pour remplacer Hitler, un nom est sur toutes les lèvres. Tous, bien évidemment, ont parlé du grand absent, Erwin Rommel, dont ils comptaient encore faire leur figure de proue. Et, bien entendu, beaucoup n'étaient pas d'accord, mais certains pensaient en faire le successeur d'Hitler, une fois le meurtre exécuté. L'attentat sera finalement un échec. Hitler échappera à l'explosion de la bombe qui lui était destinée. La plupart des conjurés seront exécutés ou poussés au suicide. Des complots contre le Troisième Reich dans l'ombre de châteaux millénaires. Des recherches archéologiques au service de l'idéologie nazie. Des constructions monumentales bâties dans la confidentialité la plus totale. Les lieux occupés par les nazis en France renferment décidément bien des secrets. Quelles horreurs se sont déroulées au camp de concentration de Natzwiller-Struthof? Pourquoi les nazis ont-ils cherché le mystérieux Graal dans le sud de la France? Quelles armes secrètes renfermaient les entrailles de la base d'Elfau dans le nord? Nous allons voir à travers tous ces endroits comment les nazis avaient prévu d'asseoir leur domination. Certains lieux cachent même une vérité d'une violence rare. Le pays. Donc je pense qu'il est d'une très grande lucidité, mais il l'imaginait pas. Il se préparait, mais sans imaginer qu'il jouerait ce rôle, je pense. À votre avis, Christine Claire, il a forgé ce jugement, cette fureur sacrée, par opposition à la France des années 30, à cette montée de l'extrême droite qui était ce qu'elle était. Je crois qu'il a forgé dès son enfance Je ne sais pas s'il avait lu la débâcle de Zola, mais j'imagine qu'il l'avait lu. Mais il savait que la France devait se préparer à guerre, à l'affrontement, et il jugeait la faiblesse de notre armée, de notre gouvernement. Il avait un regard extrêmement lucide. Et dès l'âge de 12 ans, il avait écrit déjà le récit d'une bataille contre les Allemands. Mais plus tard, il a été obsédé par l'équipement en char de l'armée française, avant tout le monde. Il a parfaitement jugé le personnel politique, et il a fait un peu sa cour à Paul Reynaud, parce qu'il pensait par lui arriver un peu à redresser la situation. Et à Léon Blum. Mais tout ça part de très loin chez lui. Alors il y a à la fois l'homme qui prévoit, qui organise, qui sait ce qu'il faut faire, et puis pour moi, avant tout, De Gaulle, c'est un grand artiste. C'est-à-dire celui qui sent et qui pressent. Il a 15 ou 20 ans d'avance. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne peut même pas savoir ce qu'il dirait ou ce qu'il penserait. Mais en tout cas, il a, sur le plan militaire, il a évidemment 15 ans d'avance. Et sur le plan de la civilisation, du gouvernement, il a beaucoup d'avance. Et je pense que, moi, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de femmes de son entourage, nièces, et en particulier Geneviève de Gaulle, que j'ai rencontrée 4 fois très longuement. Et qui m'ont fait sentir le côté artiste de De Gaulle et sa sensibilité. Elle me décrivait la longue larme, la larme qui coulait le long de son long nez quand elle lui racontait, évidemment, les camps de concentration, le traitement des Juifs et des autres, d'ailleurs. Et sans cette sensibilité d'artiste, je crois qu'il n'aurait pas eu cette vision, comme Churchill d'ailleurs, oui, mais alors, 15 ou 20 ans d'avance. Sur ce point, Dominique Schnapper, est-ce que De Gaulle était complètement réfractaire aux idées maurrassiennes, barésiennes, etc., de tout ce qui était cette France des années 30? De Gaulle n'était pas le seul, au cours des années 30, à être consterné par l'état de délitement de la démocratie française et des démocraties en général. Et par l'attitude, il faut se souvenir de l'attitude des Anglais à la même époque. Les Anglais voyaient dans la France le pays menaçant l'Angleterre beaucoup plus que l'Allemagne. Donc il a eu évidemment l'intelligence de comprendre où étaient les vrais problèmes et où la société démocratique s'affaiblissait et n'avait plus les moyens de se défendre contre ses ennemis. Mais je suis, comme Jean-Pierre Chevènement, sensible au fait que s'il n'y avait pas eu 1940, il était colonel seulement au début de la guerre, hein. Il a été promu au cours de la guerre. Il aurait été un colonel intelligent, comme je suis sûr qu'il y en a dans différents coins, et dont le rôle aurait été connu des spécialistes de la pensée militaire. Et il y a un autre point qui m'a toujours frappé, c'est le décalage entre le sens politique et symbolique de l'appel du 18 juin et la réalité concrète de ce qu'a été cet appel, parce que jusqu'à 4 heures de l'après-midi, on ne savait pas s'il aurait le droit de parler à la BBC, et le cabinet était en majorité contre. Enfin, il y a eu là un espèce de moment tout à fait étonnant, et le décalage entre la réalité concrète qu'a été l'appel dans sa forme concrète et le sens qu'il a pris est tout aussi frappant que le décalage entre le passage d'un colonel intelligent qui écrit des livres intelligents qu'on ne lit pas ou qui n'a pas d'influence, donc, et ensuite la promotion. Alors, sur Maurras, je n'ai pas d'information, je n'ai pas fait de biographie, je n'ai pas, comme vous, je n'ai pas rencontré... Non, je voulais simplement dire qu'il était étranger à toutes ces idées-là, voilà. Je pense qu'il est né dans la bourgeoisie catholique de province, qui était spontanément plutôt antisémite et maurassienne. On a les témoignages de Mauriac, de Cordier sur Bordeaux, je pense qu'il a baigné dans ce milieu. Il était d'une intelligence suffisante pour savoir s'en affranchir, prendre ses distances. On a beaucoup raconté que la France libre à Londres n'était pas exempte d'un certain antisémitisme. Mais son père n'était pas maurassien. Son père était dreyfusard. Hein. Son père était dreyfusard. Ah oui, il est né dans une famille dreyfusarde. Mais c'était plutôt une exception dans le milieu. Oui, mais il est né avec un père professeur d'histoire, dreyfusard, et son mentor a été le colonel Meyer. Qui était un non-conformiste au sein de l'establishment. Et il parvient d'un milieu dans lequel... Et à propos de l'affaire Dreyfus, il a parlé de la bêtise des militaires. Oui. Je suis chômeur. J'hésitais entre ouvrier chômeur, le patron chômeur, et puis finalement j'ai pris ouvrier. Eh ben, je suis content parce qu'il y a plus de choix. On est peinard, vous voyez, pour choisir, on a... Ah oui, il y a du choix, hein, c'est bien. Ah ouais, enfoiré, ouais. Moi, j'ai été remplacé par une machine, avec toute l'équipe de mecs qu'on était. Ah, une machine super, hein. Elle fait tout le travail à notre place, aussi bien ou moins aussi bien que nous, hein. Sinon mieux. Et puis alors, la machine, ça n'a pas besoin de salaire, ça n'a pas besoin de repos, ça n'a pas besoin de vacances, c'est jamais malade, et pire... Ça n'a même pas besoin de travail. Parce que tout le monde gueule, on dit « Ouais, il y a déjà 3 millions de personnes qui réclament du travail. » C'est pas vrai. De l'argent leur suffirait. Alors moi, ça fait 4 ans que je suis chômeur. Alors je suis rentré à la maison, là, et puis ma femme m'a dit « Tiens, tu vois, si j'avais eu du lard, je t'aurais fait une omelette au lard. » Malheureusement, j'ai pas d'œuf. Cela dit, il paraît que le gouvernement s'intéresse à l'emploi, hein. Si. Surtout aussi, hein, il paraît. C'est le canouet qui l'a dit. Vous voyez, le canouet va nous trouver du boulot, c'est sûr. C'est la maxi-tête, lui. Il a les dents à sa chalistelle et tout. Si, si. Le canouet, il s'y connaît vachement, hein. T'es con, quoi, il s'y connaît vachement, le canouet. En emploi. Alors, il s'y connaît autant que Thierry Roland dans ce classique. Il paraît que la crise, là, ça rend les riches plus riches et les pauvres plus pauvres. Moi, je vois pas en quoi c'est une crise, hein. Je vois, c'est comme ça depuis que je suis bon, j'entends dire « Oh, c'est fini, c'est plus comme avant, c'est plus comme... » Bah, tant mieux que c'est plus comme avant, parce qu'avant, c'était tard. Enfin, les politiciens, moi, vous savez, je les aime pas. Non. Je porte à gauche, remarquez. Mais enfin, je supporte à droite. Alors, homme politique, si vous voulez, c'est un mec qui s'occupe d'abord de sa carrière. Et puis alors, une fois qu'il arrive à un poste assez important, alors à ce moment-là, il met du pognon de côté. Il commence à magouiller dans des affaires de gouvernement, avec des tierces personnes, hommes de paille qu'on appelle, et il se met le pognon de côté parce que ça dure pas, homme politique. Mais il récupère l'argent après. Bien mal acquis, ne profite qu'après. Mais les hommes politiques sont tellement... Il y en a pour briller en société, ils mangeraient du cirage. Ah ouais. C'est-à-dire que c'est une profession où il vaut mieux avoir des relations que des remords. Homme politique, vous voyez, c'est préférable. Il paraît que homme politique, c'est très facile dans la journée. Le plus dur la nuit, c'est de dormir avec les yeux ouverts. Parce que il y en a qui ont une conscience. Hein. Et moi, j'avais remarqué un truc. C'est pas si vous avez remarqué, mais les salauds au cinéma sont toujours punis à la fin. Tandis qu'à la télé, c'est tous les jours les mêmes. Moi, je sais, j'en ai vu un, parce que des fois, il y en a un, il vient au marché. Non, il fait pas ses courses. Il vient serrer la cuillère au mec pour être élu. Ouais, ben dis donc, quand il te serre la main, t'as intérêt à raconter tes doigts. Hein. Il est pas voleur, le mec. Hein. Moi, les hommes politiques, j'appelle ça les timbres, vous voyez. De face, ils vous sourient, ils sont figés. Si jamais vous leur pensez la main dans le dos, alors là, ça colle. Hein. Et puis, vous savez, vous avez déjà remarqué, on dit toujours, ah oui, mais alors... Au début du septennat, comme ça, il y a toujours un état de grâce. Eh ben, au début, c'est les 3 mois, et puis après, au bout d'un an, du nouveau gouvernement, eh ben, la garantie est foutue. Alors, vous pouvez proposer tout ce que vous voulez comme solution. Eux, ils disent oui ou ils disent non. Comme disait mon père, l'avenir est à ceux qui ont le veto. Alors, en tant que chômeur, je remercie tous les enfoirés. Je remercie les enfoirés de gauche qui nous ont fait croire que c'était la droite qui savait pas gérer et que c'est pour ça qu'on était dans la merde. Je remercie les enfoirés de droite qui nous ont fait croire que c'était à cause de ce qu'avait fait la gauche qu'on s'en sortait plus. Je remercie les enfoirés de patrons qui nous ont fait croire que c'était à cause de l'État qu'on n'arrivait pas à s'en sortir. Et je remercie les enfoirés de syndicalistes qui nous ont fait croire que c'était de la faute au patron. Les enfoirés, se rejetant la faute les uns sur les autres, finalement, qui c'est qui l'a dans le cul? C'est nous, c'est ceux qui ont un cul. Et puis alors, c'est terminé, les affaires à scandale. Maintenant, il y a des affaires et plus de scandale, vous voyez? L'affaire Boulin, l'affaire Markovic, l'affaire du canard, l'affaire des diamants, l'affaire des avions nifleurs, tout ça. Puis ça, faut même pas essayer d'en parler, hein? C'est la lutte du pot de terre contre le pot de vin. Alors, il y en a qui ont leur fait des procès, oui, oui, ah bon. Et alors, le procès, comment s'est passé? Oh, ben, vous savez, gentiment, gentiment. Parce qu'il y a deux sortes de justice. Vous avez l'avocat qui connaît bien la loi, et vous avez l'avocat qui connaît bien le juge. Et puis les gros bonnets, on peut pas les attraper, hein. C'est toujours la même chose, hein. Ouais, il y en a des biens dans une politique. Il y a du beau, il y a du bon, mais il y a du bonnet, hein. Il y a surtout du bonnet, hein. On n'est pas assez nombreux. Voilà, le truc, c'est qu'on n'est pas assez nombreux. Moi, je vais vous dire, je connais des chômeurs, ils ont tellement honte, ils votent communiste pour se faire passer pour des travailleurs. Attention, moi, je suis chômeur, mais l'État me paye pour résoudre la crise. Et il me verse une allocation, et moi, je cherche du travail. Et j'en trouve pas. Et puis, si j'en trouve, je lui dis pas. Et dès que je reçois l'allocation, tous les mois, je vais m'acheter Modes et Travaux. Parce que dans Modes et Travaux, il y a des patrons en papier de soie. Il n'y a rien de plus agréable que de se torcher le cul avec un patron quand on est chômeur. Enfin, moi, je suis quand même content de savoir que ça fait 4 ans que je chôme et que ça a servi à la carrière d'un homme politique ou deux. Voilà, je suis très content. Mais la prochaine fois, je saurai quoi voter, hein. Je ferai comme dans la publicité, voter, éliminer, voter, éliminer. Mais madame, je ne suis pas le Père Noël. Je ne suis pas le Père Noël. Cher Emmanuel, nous te rendons hommage, car cette année, tes cadeaux nous ont vraiment gâtés. Il n'attendait pas le Père Noël. Je ne suis pas le Père Noël. Non, tu n'es pas le Père Noël, Emmanuel. Pour nous, les ultra-riches qui faisons notre fortune au détriment des plus pauvres, tu es l'élu. C'est la belle année d'Emmanuel. Nous les plus riches, on est contents. Et les yeux levés vers le ciel, remercions le gouvernement. Avant de partir en croisière, faisons une dernière prière. Petit Emmanuel, tu es descendu du ciel avec ton projet financier. J'oublierai tes grands souliers, mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, il y a la France d'en bas, tous ces gueux ne voudront plus de toi. Il me tarde tant que ce jour revienne, quand le facteur va la vie d'imposition que je vois en baisse et que je t'ai commandé. Petit Emmanuel, tu es descendu du ciel avec ton projet financier. J'oublierai pas tes grands souliers. Les grèves, les manifs sont passés, les gueux retournent à leur boulot. Toi, tu as déjà commencé à flinguer leurs acquis sociaux. Au patron des grandes entreprises, tu réserves bien des surprises. Et quand on sera sur nos nouveaux yachts entièrement défiscalisés, on chantera ta gloire d'une voix très haute pour ce que tu nous as octroyé. Petit Emmanuel, tu es descendu du ciel avec ton projet financier. J'oublierai pas tes grands souliers. L'abonnement à ma chaîne est gratuit et te donne droit à une exonération totale de l'impôt sur la fortune. Alors profites-en. Bon, vous avez suivi les événements. Cette fois-ci, c'est le calendrier lui-même qui échappe au gouvernement, et c'est bien fait, parce que c'est tout de même un signal de plus de son incapacité à prévoir, à organiser, à maîtriser les événements. Nous savons depuis la mi-novembre à peu près que le variant Omicron circule et qu'il a des caractéristiques qui ont été amplement décrites depuis sa détection initiale, c'est-à-dire il se répand plus vite, trois fois plus vite que celui qu'on connaissait, et s'il a une dangerosité moindre, selon les observateurs, cependant, il contamine, et ceux qui en sont atteints peuvent avoir des formes assez pénalisantes de la maladie. On le sait depuis la mi-novembre. Je m'arrête à ces deux dates parce que je les trouve parlantes du point de vue de l'incapacité à maîtriser de la part du gouvernement. Et donc, on sait depuis la mi-novembre, mais on attend la nuit du 2 au 3 janvier pour envoyer 60 pages de consignes dans les établissements scolaires décrivant ce qu'on doit faire, comment on doit s'y prendre, etc. C'est-à-dire la veille de l'ouverture. Et aucun des signaux antécédents n'a dû être analysé correctement par la centrale, puisque des échos qui nous remontent de partout, c'est des gens malades partout, plus ou moins malades, ou cas contact et se trouvant dans une situation de quarantaine, à supposer que quelqu'un se rappelle qui doit faire quoi et dans quel cas. Mais en tout cas, ça n'est pas résiduel, c'est un phénomène marquant dans les écoles et dans tout le système de l'éducation nationale et à tous les postes de travail. Je veux dire aussi bien depuis l'enseignant, l'ATSEM, etc., enfin tout le monde. Nous parlons là d'une des administrations les plus nombreuses, c'est aux alentours d'un million de personnes, et des plus essentielles pour la vie quotidienne des gens, et puis d'abord des enfants. Par conséquent, on voit qu'une fois de plus, leur esprit devait être concentré sur autre chose, sur une seule et unique solution, le vaccin. Et ils pensent que plus ils ont vacciné de monde, plus en gros ils ont fait leur travail. Comme si on ne devait tenir aucun compte du fait que, quoi qu'on soit vacciné, on peut être contaminé, quoi qu'on soit vacciné, on peut en contaminer d'autres, et quoi qu'on soit vacciné, on peut tomber malade. Ce qui s'est produit assez souvent autour de nous pour que quasiment tout le monde puisse donner un exemple dans sa parentèle proche ou dans son environnement de travail. Que des gens qui avaient reçu les deux doses ont été affectés par le micron d'une manière assez, des fois, un peu sévère. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont jamais cru un seul instant à la nécessité de planifier l'action et en quelque sorte d'intégrer que la crise sanitaire ne se règle pas comme une crise militaire, fût-ce en conseil de défense, et c'est pas parce qu'on va trouver une arme décisive que l'affaire va être réglée. La crise sanitaire, elle est globale, elle touche tous les aspects de notre vie, et donc la réponse doit être globale. Eux sont dans l'idée que dès lors que le malade ou la personne qui peut être malade, en quelque sorte, est responsabilisée par le vaccin, l'affaire est dite. Qui est-ce qui est responsable du chômage? Les chômeurs. Qui est responsable de la pauvreté? Le pauvre. Et qui est responsable de la maladie? Le malade. C'est ce raisonnement étroit et borné qui conduit le gouvernement d'aberration en aberration. Alors, maintenant, on sent peut-être, est-ce que ce sont des symptômes d'une usure, de la fatigue psychologique ou de je ne sais quoi? Mais on a vraiment l'impression que la situation est en partie hors de contrôle, à la fois parce qu'on a entendu le président de la République faire une description enchantée de la situation, qui ne correspondait à rien de ce que nous vivions tous dans nos circonscriptions, et puis ensuite parce que on a vu comment s'est organisée à la va comme je te pousse la préparation de la séance d'hier, convocation des parlementaires entre Noël et Nouvel An, et l'invention hier soir de quelque chose à quoi personne ne s'attendait, c'est-à-dire que la séance aurait dû être prolongée toute la nuit et, s'il le fallait, la matinée. Inouï, jamais vu. Nous avions pris nos dispositions, parce que nous sommes planificateurs, donc nous avions organisé nos roulements pour être présents en permanence y compris si ça devait durer jusqu'à 6 heures du matin, ça s'est arrêté avant, et tant mieux, parce que ça oblige le gouvernement à réfléchir. Alors ça, c'est la situation qu'on connaît, et les raisons qu'on connaît tous. Je ne vous répète pas pour la centième fois que nous n'avons cessé de faire des propositions d'une stratégie alternative à celle du tout vaccin, une stratégie globale, la société du roulement, les purificateurs d'air, etc., etc., etc. Je l'ai dit tant de fois que je ne suis que toujours plus surpris de voir le gouvernement, à intervalles réguliers, répéter « ben vous ne proposez rien », comme nous l'avons encore entendu hier, avec une arrogance qui a fini par énerver tout le monde, y compris ceux qui, dans l'opposition de droite, étaient peut-être les mieux disposés à l'égard du gouvernement. L'arrogance de M. Véran, cette manière de ne pas répondre aux gens quand des questions lui sont posées alors que c'est son devoir, ou à l'inverse, répondre d'une manière hautaine, méprisante, comme il l'a fait à mon égard, en inventant des citations, alors en plus en citant ce qui ne se fait pas, ne serait-ce que par élégance, le fait que je suis vacciné, je l'ai dit 10 fois, tu parles d'une révélation. Bref, tout ça est très inquiétant, parce que, à l'évidence, ils ne savent plus quoi faire. Quels sont les risques maintenant? C'est que la désorganisation finisse par provoquer, ici ou là, un effondrement de la structure hospitalière, parce que je rappelle à tout le monde que tout ça ne tient que parce que les gens acceptent de continuer à bosser et à traiter la situation. Mais ça fait des mois et des mois et des mois et des mois que ça dure, des gens sont partis, d'autres ne sont pas arrivés, tant et si bien que nous sommes là sur un fil tendu. La même situation est en train de se produire à l'école, et nous sommes là aussi au bord de quelque chose que plus personne ne contrôlerait si on n'arrive plus à faire face à l'accueil de millions d'enfants, avec la désorganisation par contagion sur leurs parents, sur leur capacité à aller travailler. Voilà. Ça, c'est la menace qui arrive, et c'est la raison pour laquelle nous pensons que il faut que ce soit d'une manière auto-organisée, que les salariés dans leur entreprise, quelle qu'elle soit, bureau, usine ou autre, se concertent pour mettre au point les meilleures méthodes qui leur permettent de travailler hors du danger, de se mettre mutuellement en sécurité. Ça ne va pas être simple, parce que même vaccinés, on l'a dit, on peut être contaminé, et que pratiquement aujourd'hui, à l'heure à laquelle nous parlons, la seule parade efficace, la voici. C'est le masque FFP2 qui diminue jusqu'à réduire à moins de 1% le risque d'être contaminé, même en étant proche, c'est-à-dire à 1 mètre, 1,50 m en se parlant, plus d'une heure. Donc c'est la seule arme dont on dispose. Or, sa production s'est effondrée au cours de l'année dernière, et elle a été réduite 90%. On a donc beaucoup de mal à trouver des masques. Nous, c'est une question qu'on connaît d'autant mieux qu'on prend nos dispositions pour nos prochains meetings, et puis que pour ma part, j'ai recommandé à tous mes camarades de se munir de ce masque. Hein. Personne n'est à l'abri. Que personne ne croit que parce qu'il a déjà eu une fois, il est à l'abri. Non. Hein. Celui-ci s'est déjà ramassé 3 fois, hein, au total. Et je ne cite que lui, parce que c'est le secret médical, je ne devrais pas le dire, c'est ça? Non, ça va, je l'ai dit 2 fois. Bon, alors, personne n'est à l'abri. D'autres ici aussi, quoique vaccinés, etc. Bon, il faut que moi-même je fasse attention. Mais voilà. Voilà où nous en sommes. On va donc, nous, être dans la vigilance, toujours dans la proposition, mais nous sommes arrivés au point où nous pensons que c'est aux salariés, aux gens sur le terrain maintenant, de prendre des dispositions, parce que ce n'est pas le gouvernement qui leur permettra de savoir quoi faire et comment faire. Et en particulier dans l'éducation nationale, il me semble que les gens qui y travaillent, qu'ils soient enseignants ou autres, personnel technique, etc., peuvent prendre les mesures qui sont des mesures raisonnables, des mesures sages, parce qu'ils sont eux-mêmes sur le terrain. À l'hôpital, je ne saurais quoi dire sinon féliciter ceux qui s'y trouvent. Mais voilà, si Micron conduit à une immunité collective, comme certains le pensent ou l'ont dit, j'ai vu que ça a été le point de vue du gouvernement d'Israël avec des arguments assez convaincants, Mais pour autant, ça ne doit pas nous conduire à sous-estimer la gravité de ce qu'on peut quand même subir au passage. Hein. Cette immunité collective fait que c'est la dernière vague, j'ai noté hier que le gouvernement ait bien reconnu qu'il y avait des vagues, je vous rappelle que la fois où on avait parlé d'une deuxième vague, on s'est fait traiter de tous les noms, ça pourrait être la dernière vague et nous serons tous sortis d'affaires. Ce que je veux dire, c'est que opposition nous sommes, mais nous ne sommes pas dans une opposition qui consisterait à se limiter à la critique de l'action du gouvernement. Nous avons cessé de proposer quoi faire. Et nous savons très bien que si dans 3 mois, c'est à nous de gouverner le pays, et que Micron n'est pas la dernière vague, il faut savoir par quel bout on prendrait une situation. Et nous le redisons, nous croyons qu'il va falloir maintenant apprendre à vivre dans une situation où la pandémie est un risque permanent pour la société, et où les méthodes de lutte contre la propagation des maladies vont devenir des objets courants. Voilà. Ça, c'est ce qui nous attend. Je n'en dis pas plus parce que c'était la part qu'il m'a été demandé de faire ce matin, avant de rendre la parole à notre présidente pour la suite de ce qu'il y a à faire et à dire. J'appelle nos compatriotes à se prendre en charge et à ne plus compter aveuglément sur l'activité d'un gouvernement qui, quelques critiques qu'on lui fasse, ne répond que par des injures et de toute façon n'est visiblement pas à la hauteur des événements. Si tu t'en irais, si tu me laisserais seul au monde, des fois que t'aurais eu connu quelqu'un que t'aimerais encore mieux. Si tu t'en irais, si tu serais plus ma blonde, si des fois tu m'aimerais plus, ah qu'est-ce que je serais malheureux. Car depuis le jour où tu m'as dit que tu m'aimais, moi je suis fou de toi. Et si des fois tu m'aimerais plus autant, y aurait quelque chose du zèle au fond de moi. Si tu t'en irais, si t'abandonnerais ma vie, si tu voudrais t'en aller dans les bras d'un autre cœur. Si tu t'en irais, laissant nos âmes désunies, si tu tenterais d'oublier, je ne ferais que verser des pleurs. Car depuis l'instant de l'heure où nous fûmes amoureux, moi j'hume, hecte mes yeux de joie, mes larmes loin des alarmes coulant un charme voluptueux. Je crois bien que je mourirais si un jour tu t'en irais. L'abbé Chaumina va maintenant vous parler de son expérience auprès de ceux à qui il a permis de retrouver les voies du Seigneur. Bien, chers frères, j'étais venu ici dans l'intention de vous lire une lettre de Saint Paul adressée aux Corinthiens. Mais le temps me faisant défaut, je ne pourrais pas vous lire toute la lettre adressée par Saint Paul aux Corinthiens. Et je me contenterai de vous lire la fin de la lettre de saint Paul aux Corinthiens. Veuillez agréer, chers Corinthiens, l'inspiration et la considération distinguée. La revue de presse. Personnes âgées, EHPAD. La maltraitance révélée par le livre Les Fossoyeurs, entre guillemets Les Fossoyeurs, est régulièrement dénoncée par les acteurs du secteur. Les directeurs d'EHPAD pointe un personnel débordé à cause de dotations insuffisantes. Les familles accusent les groupes privés de mieux soigner leurs actionnaires que leurs résidents. ça vous étonne, ça s'appelle le capitalisme. Alors, bah oui, on assiste dans ces établissements-là à une maltraitance systématique. Peut-être que cette nouvelle crise va permettre de libérer la parole. Ben oui, et puis pas seulement libérer la parole, j'espère que ça permettra aussi de passer aux actes, d'améliorer la situation. Ah oui, parce que la politique, ça ne consiste pas seulement à parler, ça consiste surtout à agir. Agir dans l'intérêt du plus grand nombre, agir dans l'intérêt de ceux qui ont le plus d'intérêt à ce que les choses changent, les plus malheureux. Et si tu décidais de devenir apprenti dans l'industrie, CAP, titre pro, bac pro, MC, BTS, licence pro, master, ingénieur au pôle formation UIMM Lorraine, 50 diplômes proposés en apprentissage dans les domaines du numérique, transformation du métal, mécatronique, ben oui, mécatronique c'est écrit, usinage, électrotechnique, maintenance, matinée portes ouvertes, samedi 29 janvier de 9h à 13h, et puis à Saint-Dié, et 560 rue des Grands Prés, Sainte-Marguerite, et puis à Thaon-les-Vosges, zone Innova 3000, avant c'était 2000, maintenant c'est 3000, ah ben oui, il y a de l'inflation partout, dans tout. Y compris dans le vocabulaire, ben c'est, et mettez-vous à leur place. Attends-les-Vosges, hein, voilà. Alors, apprenti, voilà, une pub qui prend une page complète, avec photo couleur, je sais pas bien combien, si vous êtes abonné au journal, je sais pas combien vous avez déboursé pour cette pub-là, hein. Ben oui, parce que les pubs, c'est nous qui les payons, les abonnés, ben oui. Et puis, bon, et les clients qui les achètent, évidemment, les pubs. Mais le client, il paye à peu près la moitié de la pub, et puis l'abonné, il paye l'autre moitié, hein, ouais. Ou un quart, trois quarts, bon, je ne sais pas. Enfin, bon. Vittel, les mémoires de guerre de Guy de Lamotte-Boulomier. On le sait peu, mais Guy de Lamotte-Boulomier, le réinventeur de Vittel, qui nous a quittés ce dimanche, a rédigé en 2001... à la demande de son fils Xavier, un carnet de route 1940-1945, où il évoque ça, entre guillemets ça, Seconde Guerre mondiale. Un ouvrage à diffusion strictement familiale que nous avons pu lire. Alors, il y a ensuite un article, un résumé un peu de ce qui est pris dans le carnet en question. Alors, dans un camp de concentration, mais sa grande aventure et son invasion de France pour rejoindre les forces françaises libres, ce périple effectué avec quatre amis débute le 5 mars 1943 dans le train vers Oloron-Sainte-Marie. Suit une longue marche dans les Pyrénées pour franchir la frontière avant une arrestation par deux gardes civils à Venta de Arocos. Et oui, ceux qui voulaient rejoindre la France libre, eh bien, en général, ils passaient, enfin, quelquefois, ils pouvaient essayer de traverser la Manche grâce à des marins pêcheurs qui transportaient les personnes en question, hein, jusque vers le milieu de la Manche, et puis qui là, rencontraient des bateaux britanniques qui amenaient les gens, les garçons en question, pour finir de traverser la Manche et rejoindre l'armée de libération nationale du général de Gaulle à Londres. Alors, tant qu'il en restera un, là il est orienté vers l'école des élèves aspirants de Cherchel, dans l'escadron de cavalerie blindée. Oui, une fois qu'il a traversé la Manche, qu'il a fait un séjour en prison chez Franco, qu'il a rejoint le Portugal, et que là, au Portugal, il a pu prendre un bateau. Le Portugal était neutre, l'Espagne aussi, et donc il pouvait traverser la Manche normalement, légalement, on pourrait dire, et rejoindre donc les côtes anglaises. Hein. Voilà. Alors, bien, il s'est bâti à différents endroits, dont il n'est pas tellement question dans les carnets, mais les combats, il est question quand même des combats de la poche de Colmar en février 1945. Oui, on a tendance à penser que la guerre de 39-45, elle s'est terminée au mois d'août 44, après la libération de Paris. Eh ben non. Et Paris libéré, la France n'était pas libérée. Le Valta, par exemple, a été délivré le 5 février 1945. Et Colmar le 6 ou 7 février. Voilà. Et oui. C'est pas si facile que ça n'en a l'air dans les livres d'histoire ou les journaux, etc. Hein? Eh oui. C'est dur, difficile, très dur pour certains. Très dur pour certains. L'adhésion de l'Ukraine ne sera pas exclue. Autant. Les États-Unis ont refusé mercredi d'exclure une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, comme le demande la Russie, mais offert ce qu'ils jugent une voie de diplomatique sérieuse pour sortir de la crise, une main tendue par l'OTAN qui se prépare aussi au pire. Alors notre Macron, il se prépare lui aussi au pire et surtout il nous prépare au pire. Et oui, il y a des choses avec lesquelles il faudrait pas trop jouer, voilà. Hein. Suite à la Deuxième Guerre mondiale, dont il était question tout à l'heure, et à ses conséquences, et une des conséquences de la Deuxième Guerre mondiale, ça a été la création de l'OTAN, organisation du traité de l'Atlantique Nord, dont l'existence était tout à fait concevable pendant la guerre, parce que, évidemment, regrouper tous les pays qui étaient proches de l'Atlantique Nord pour combattre l'Allemagne nazie, c'était tout à fait logique. Mais après, on a fait jouer à l'OTAN un rôle qui était moins brillant, tiens, on va dire, parce que ça rime, hein, OTAN et brillant. Privé de chaudière depuis des mois, à Frouard. Dur hiver pour une quinquagénaire de Frouard et sa mère, privée de chaudière depuis septembre. Inquiets pour leur santé, les voisins ont alerté la mairie. Mais la situation semble inextricable. L'agence immobilière est aux abonnés absents et le propriétaire se défausse sur le fournisseur de chaudières. Voilà. Ouais. Comme quoi, les politiques, les gens de droite, qu'ils soient dans la politique ou dans le commerce ou dans la banque, hein, eh bien, ils ne font rien pour améliorer le sort des gens, des citoyens de base. Ils contribuent même beaucoup, souvent, longtemps, à mettre les gens dans la misère. Hein. Ben, un jour, il faudra se venger, hein, un jour. Ah oui, bah. La rue des Blancs-Manteaux, vous vous souvenez la chanson, hein, ouais, la rue des Blancs-Manteaux. Et oui, un jour, le peuple s'est vengé. Voilà. Président de la République et Premier ministre, 15 233 euros bruts par mois. Ministre, 9 940 euros bruts par mois. Secrétaire d'État, 9 430 euros bruts par mois. Conseiller ministériel, 8 725 euros bruts par mois. Député, sénateur, 7 240 euros bruts par mois. Voilà. Alors quand ils seront au chômage, c'est sûr qu'ils gagneront moins. Hein? Quand ils seront au chômage, ils regretteront de ne rien avoir fait quand ils étaient élus contre le chômage. Ils regretteront. Mais tant pis, ils auront le nez dans le caca. Ben, chacun son tour, hein, eh oui, eh oui, ben voilà. Le caca, ça colle, et puis ça sent mauvais, ah. Santé, la santé. La Légion d'honneur. La Légion d'honneur pour Buzyn et Delfrécy. L'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a été promue chevalier de la Légion d'honneur samedi 1er janvier. Ouais, ça donnera envie de rire, ou envie de crier et de frapper. Paris, l'Arc de Triomphe aux couleurs de l'Europe provoque des heurts. Ouais, ça c'est déjà un article un peu ancien. Hein. Eh oui, c'était le 2 janvier 2022. Mais bon, de temps en temps, si on relit des nouvelles qui sont un peu anciennes, qui sont moins nouvelles, on s'aperçoit que bon, ouais. La roue, elle tourne, mais elle va pas que vers l'avant. Elle fait aussi des marches arrière, de temps en temps. La belle société dans laquelle on vit, que nous fabriquent nos politiciens et nos capitalistes. Alors, crash du Mont Saint-Odile, je ne devais pas monter dans l'avion. Pierre Lotta, âgé de 45 ans au moment de la catastrophe, fait partie des 9 rescapés du crash du Mont-Saint-Odile, dans le Bas-Rhin. 30 ans après, il revient sur ce drame qui a causé la mort de 87 personnes le 20 janvier 1992. Alors, pourquoi avez-vous pris le vol 148 d'Air Inter? Je n'étais pas censé monter dans cet avion. J'avais une place, le matin même, très tôt, sur un vol direct Marseille-Strasbourg, puisque je réside dans le Var. Mais sur l'autoroute, en arrivant à proximité du péage de Marignane, une voiture m'a englouti par l'arrière. Le conducteur s'était endormi. Lui et moi sommes sortis indemnes de l'accident, mais les voitures sont parties à la cage et ont dû me rabattre sur le vol du soir via Lyon. J'avais rendez-vous à la raffinerie de Strasbourg pour mon travail. Et comme le destin, quelquefois, joue des tours. Eh oui. Vers 23h, les rescapés voient arriver deux bénévoles dont l'heure part prévenir les secours avec un survivant légèrement blessé. Tandis qu'arrivent d'autres bénévoles, une équipe de journalistes de TF1 et enfin, vers 23h35, les premiers gendarmes. Ah oui, ben oui, il faut le temps, hein. Il faudra plus de 4 heures au secours pour localiser les restes de la carlingue, alors que le terrain d'aviation en dessous avait donné la position de l'avion au moment du crash. Vous voyez, oh, comme ça. De temps en temps, il y a des incompétences qui se révèlent. Ah oui, la société ne va pas aussi bien qu'elle ne pourrait, qu'elle ne devrait. C'est peut-être parce qu'on vote mal par moment. Il y a des moments où on se trompe quand on va voter, hein. Et vous voyez, par exemple, les Allemands, en 1933, ils avaient 6 millions de chômeurs. Ben, comme nous, hein, en 2022, on a 6 millions de chômeurs. Ben, les Allemands, ils ont mal voté. Hein, un petit bout de papier qui tombe dans une boîte vitrée. Hein, c'est rien, un petit bout de papier comme ça. Eh oui, ils ont mal voté. Oui, ils ont élu Hitler. Ça leur a coûté 6 millions de morts. Eh oui, la Deuxième Guerre mondiale a fait 6 millions de morts en Allemagne, plus... En tout, elle a dû faire 65 millions de morts, voilà. Hein. Tout ça pour des bulletins de vote qui ont été mal choisis. Malgré la chute bourse et économie, deux réalités. Malgré la chute importante de ce lundi, la Bourse de Paris a battu des records au cours des dernières semaines. Stéphane Boujna, président du directoire d'Euronext, explique pourquoi finance et économie ne constituent pas tout à fait la même réalité. Ah bon, tiens. L'Irlande n'est pas un paradis fiscal. C'est un tout petit pays qui a réussi à développer sa croissance avec une fiscalité des revenus privilégiés. Eh oui, eh oui. Les autres pays d'Europe payent plus d'impôts puisqu'il y a une fuite des capitaux en direction l'Irlande, le Luxembourg, la Suisse, etc. Et puis que ben, les gens ils payent pas d'impôts dans leur pays, ils payent nettement moins d'impôts en Irlande. Voilà, voilà. Eh ben oui, les salariés ils travaillent pour engraisser ces gens-là. Eh oui, plus le salarié maigrit, plus son patron s'engraisse. Eh oui, ben il finit par devenir tellement grand qu'un jour il meurt d'une crise cardiaque. La justice divine, vous voyez, hein, elle pense à tout, la justice divine. Et rétablit l'équilibre, toujours. Eh oui, la violence n'est pas toujours... voilà. Elle est justifiée, parfois. La violence. Ben oui, la violence de la justice divine. Dans ce cas-là, ben oui, on peut pas aller contre. Hein. Premièrement, Christiane Vinigier sort du silence. J'ai fait de mon mieux, honnêtement. L'ancienne première adjointe au maire Bernard Godefroy, Christiane Vinigier, n'a pas été épargnée par les critiques le temps de son mandat, encore plus lorsqu'elle a assuré l'intérim suite à la démission de Bernard Godefroy en septembre 2016. Elle s'est tue à l'époque en attente d'apaisement. Alors là, elle a droit à une page complète ou presque pour s'expliquer. Et voilà, elle n'est pas contente. Ben oui. Ah ben c'est ça la politique, hein. La politique, c'est quelquefois, ça paraît simple, vu de l'extérieur, et puis vu de l'intérieur, c'est relativement complexe. Les discours larmoyants desservent la cause du handicap. Ben oui, il faut parler normalement, clairement, sainement. Les handicapés ne demandent pas qu'on leur fasse des singeries. Ils demandent qu'on parle clairement. Présidentielle 2022, Fabien Roussel veut ramener les classes populaires à la maison, entre guillemets à la maison. Et oui. Bon, ben voilà. Moi, il y a les insoumis qui ont un programme. Ah oui, ils ont un programme depuis longtemps. Covid-19, le pass vaccinal est désormais en vigueur. Bon. Ouais. Oh. Bon. Des projectiles lancés sur des véhicules à Vecou. Tiens. Oh. Qui donc fait ça? Et pourquoi donc? Oh, bizarre. Bizarre. Oh, il y a des gens par moment qui ont des comportements. Bon. Enfin. Vittel perd son plus grand bienfaiteur. Eh oui, Guy de la Motte Bouloumier, qui a mis en bouteille plein des millions de litres d'eau au profit de la communauté de communes et des habitants de Vittel. Eh bien, voilà. Remiremont, les pompiers fêteront leur 300e anniversaire le 17 septembre. Créé en 1722 dans la cité des Chanoines, le centre de secours Romorimontin a décidé de célébrer son 300e anniversaire en grande pompe au cours d'une journée festive le samedi 17 septembre prochain. À vos agendas. Et EHPAD, le gestionnaire Orpea, accusé de maltraitance. La rentabilité, c'est important la rentabilité. Et au détriment de la dignité humaine. Oh, voilà une phrase qui est méchante, là. La rentabilité au détriment de la dignité humaine. Les accusations sont fortes. Le journaliste Victor Castanet a enquêté sur les EHPAD Orpea pendant 3 ans. Dans un livre qui sort ce mercredi, il dénonce de graves défaillances dans ces établissements. Mais je crois qu'il y a 5 ans environ, une députée de la France insoumise avait évoqué tous ces problèmes-là. Eh oui, elle travaillait avant, elle était aide-soignante avant d'être députée, Caroline Fiat, avant d'être députée de la France insoumise, et elle travaillait, elle était aide-soignante dans une EHPAD, oui, dans une maison de retraite. Donc elle savait de quoi il s'agissait. Elle a expliqué au gouvernement, à l'Assemblée nationale, tout ça. Et il a fallu attendre 5 ans que de nouveau quelqu'un mette le doigt sur le sujet. Mais en 5 ans, il ne s'est rien passé. Les salopards qui gouvernent, ben ils n'ont rien fait. Voilà. Alors, Ukraine, le bras de fer continue entre l'Est et l'Ouest. Bon, espérons que ça ne se terminera pas, le bras de fer, qui est une sorte de sport un peu rigolo, en coup de poing sur la gueule. Et pire, parce que les uns et les autres, ils ont des armes qui sont très dangereuse pour les civils, bien entendu. Ben, les militaires, ils sont aux premières loges, c'est sûr qu'ils prennent des très mauvais coups. Mais les civils, ils prennent une part qui ne leur revient pas, mais ils la prennent quand même. Eh oui, c'est eux qui travaillent, les civils, pour payer des impôts, pour acheter les armes, pour payer les militaires, pour payer les uniformes des militaires, pour payer les chars d'assaut, les munitions, etc. Et c'est eux dont on brûle les maisons, dont on assassine une partie de la famille, etc., en cas de guerre. Voilà. Et oui. Le 1960, l'homme de confiance de Hitler, devient chef suprême de l'OTAN. En 1907, Adolf Heusinger entre dans l'armée allemande. Le lieutenant Heusinger participe à la bataille de la Somme, est blessé à Arras et fait prisonnier par les Britanniques qui le libèrent en 1919. Heusinger rejoint alors son unité et suit brillamment les cours d'état-major de l'école de Kassel avant d'être affecté à l'état-major secret de la future Wehrmacht en 1929. État-major secret de la future Wehrmacht en 1929. Et que faisaient les gouvernements français, britanniques, etc., qui avaient quand même des services de renseignement qui fonctionnaient, hein? Oui. Que faisaient-ils pour contrer la reconstitution de la Wehrmacht? Puis, en 1933, Hitler l'incorpore dans son état-major opérationnel. Alors, le Führer, qui n'accorde sa confiance qu'à de très rares personnes, le charge de réaliser plusieurs plans d'invasion dès 1940. Mais en 1941, c'est Heusinger qui est chargé de concevoir l'opération d'invasion de l'URSS. Sa guerre éclair prévoit l'élimination de 30 millions de Slaves, et l'incendie des villes et villages. Les résistants devront évidemment être pendus et les responsables politiques soviétiques systématiquement abattus sur place. Un génocide prévu d'avance. Hein. En août 1942, le général Heusinger orchestre lui-même les exterminations. Sur ordre du Führer, la Gestapo et les SS sont placés sous son commandement direct. En 1945, les SS et les membres de la Gestapo sont condamnés par le Tribunal international militaire pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Heusinger, lui, n'est pas inquiété. Il occupe même le poste le plus élevé de la hiérarchie militaire de la République fédérale d'Allemagne jusqu'en 1960. Cette année-là, à Washington, Adolf Heusinger est élu chef suprême de l'OTAN par l'ensemble des chefs d'état-major des pays membres. En 1962, le député communiste Florimond Bonte découvre dans les archives du KGB le rôle que Heusinger a tenu pendant la guerre. Il raconte alors ce qu'il sait dans un livre, le dossier Heusinger aux éditions sociales Paris. La diffusion de ce livre choque, reste toutefois confidentielle. Voilà, un des bras droits de Hitler qui devient chef de l'OTAN. Voilà, l'OTAN. OTAN, organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui va faire des siennes dans l'est de l'Europe, là-bas. Pas loin de nous, hein, finalement. Le chômage. 6 millions d'années de vie volées. Un assassinat massif, point d'interrogation. Un génocide, point d'interrogation. Que dit le code pénal? Marat, Danton, Robespierre au chômage et le docteur Guillotin au chômage, Jean Moulin, il voterait RN, LP, FI, à votre avis. De Gaulle, Churchill, Göring, Staline, etc. Il voterait pour qui, tous ces gens-là?